m'importe au fond le fils de. À moins. Bon. Je vais prendre donc l'occasion de la traduction que j'ai faite du livre de Louis Sas, que je vous fais passer, pour commencer. Alors, on peut se le procurer sur le site d'ITAC, et je crois qu'il doit être en vente en librairie bientôt. Il y est déjà ? D'accord, ok. Donc, on peut se le procurer en librairie maintenant. Donc je vais prendre l'occasion, la traduction de Sas, pour aborder le cas Schreber, dans le cadre de cette réflexion que je vous propose donc sur à quoi reconnaît-on une psychose. Alors évidemment, le cas Schreber, c'est pas vraiment un cas où ça pose un grand problème, parce que je connais peu de gens qui aient considéré que c'était pas une psychose et qu'on avait fait une grave erreur de diagnostic en considérant que le président Schreber était psychotique. Mais ça permet de s'interroger sur ce que c'est que reconnaître justement une psychose dans des perspectives complètement étrangères les unes aux autres. Alors, la raison pour laquelle j'ai traduit ça, c'est que c'est un travail qui est complètement immunisé contre la lecture lacanienne du cas. Alors, dans la traduction française, Louis a insisté pour que je mentionne le texte de Lacan. Mais quand, en 1994, il a écrit, donc on a rajouté des notes, j'ai mis en bas de page que c'était dans l'édition française, il citait Lacan, mais en 1994, quand il a écrit ce livre, il n'était pas sans savoir que Lacan avait écrit là-dessus, mais il ne s'y est pas du tout plongé. Donc c'est assez intéressant parce que vous avez là affaire à une critique, ou une critique du cas, une critique de la psychanalyse, qui vise dans la psychanalyse toute l'histoire de la psychanalyse du cas, et même des interprétations antipsychiatriques qui étaient données à l'époque, au moment de la polémique entre Schatzmann notamment, mais qui n'est pas du tout informé de Lacan. Donc, en revanche, il est extrêmement informé des lectures traditionnelles du cas de Freud dans la tradition psychanalytique. La deuxième raison, c'est que quand Sas est venu, il a assisté donc à la présentation de malades que j'organise à l'hôpital, à Villebra. Et c'était pour lui, en fait, la première fois qu'il voyait en fait travailler avec des psychotiques, des psychanalystes, dans un esprit qui est évidemment, nous a-t-il dit, extrêmement surprenant pour lui. Hein. Il est psychologue, hein. il s'occupe de schizophrène. Je crois qu'il n'a plus de pratique clinique, mais il continue à avoir, je vous en dirai pourquoi c'est important, une correspondance absolument considérable avec des tas de schizophrènes qui l'écrivent. Il a des relations épistolaires avec un grand nombre de ces gens. Et il nous avait dit qu'en fait, lui, il avait appris la psychiatrie et la psychanalyse et les présentations de malades auprès d'Otto Kernberg, donc à New York. Et c'est pas pour rien que, à la première page du livre, il signale qu'Otto Kernberg, et il nous a raconté, c'était assez impressionnant, comment s'y prenait Kernberg avec les malades mentaux qu'il examinait en tant que, comme psychanalyste, et pas simplement comme psychiatre, à l'hôpital. Le Kernberg cherchait à faire cracher aux gens s'ils avaient halluciné ou non, c'est-à-dire si les choses qu'ils avaient vues ou qu'ils avaient entendues, il y avait vraiment quelqu'un qui leur avait dit, s'il y avait vraiment l'objet qui était là ou pas. Et que c'était une pratique qui était très impressionnante, parce qu'évidemment, quand il a vu, quand il nous a vu travailler hein, à l'hôpital, plutôt du genre à laisser les gens mettre en route un peu les choses par eux-mêmes, on est extrêmement doux, hein, on fait parler hein, dans cette... Il était extrêmement étonné qu'il n'y ait pas cette dimension incisive qui, pour lui, lui paraissait intrinsèquement liée à la psychanalyse, de tester si l'autre a une perception de la réalité correcte ou non. Ça, c'était, je crois, un élément très, très important, parce que du coup, il a très bien mis au centre du problème le fait que toute la psychanalyse qu'il connaît, qu'il a analysée, etc., en continuité avec les arguments de sens commun, considère qu'au fond, la psychose, hein, ben, c'est la perte de la réalité. Au sens où, voilà, il y a un trou, et puis les gens, ben, ils entendent des voix alors qu'il n'y a pas de voix. On ne sait pas comment dire, d'ailleurs, c'est très embêtant. Ben, dire qu'ils entendent des voix alors qu'il n'y a pas de voix, ils voient des choses qui n'existent pas, alors ils voient quoi, hein, c'est, bon. Sans qu'à aucun moment, même le problème grammatical de dire ça, hein, ils entendent des voix alors qu'il n'y a pas de voix ou il n'y a rien, leur apparaissent. Donc c'est quelqu'un qui était extrêmement informé de la psychanalyse, des psychoses, un point de vue non lacanien, qui était formé là-dedans et qui nous donne donc un point d'entrée, je crois, assez intéressant. La deuxième raison, c'est que, pour des raisons assez comparables à celles d'ailleurs de Lacan, il est radicalement hostile à cette psychologie de sens commun qui fait de la psychose, qui ferait de la pierre de touche de la psychose, la perte de la réalité, et en particulier dans la perte de la réalité, ce que Kernberg dit, n'est-ce pas, c'est qu'il n'y a pas de demi-perte de la réalité. La perte de la réalité, soit vous l'avez perdu, soit vous ne l'avez pas perdu. Mais il n'y a rien entre les deux. Quoi, hein. C'est donc un critère de démarcation dans la conception kernbergienne de la perte de la réalité, qui est une des plus précises. Et qu'il est donc tout à fait hostile à cette psychologie de sciences communes. Alors, c'est un peu paradoxal quand vous ouvrirez le livre, parce que très clairement, l'inspiration de ça, c'est une inspiration phénoménologique. C'est quelqu'un qui connaît très bien la psychiatrie allemande, qui a été formé à la psychiatrie phénoménologique, à ce qu'on appelait la psychiatrie existentielle, qui existe un petit peu moins chez nous. Or, il nous semble effectivement assez patent qu'au moins une version canonique de la phénoménologie, celle de Husserl, il suffit de penser aux méditations cartésiennes de Husserl, qui sont, si vous voulez, ces six leçons là prononcées à la Sorbonne à la fin des années 20, une sorte de texte court, mais qui résume très bien ce que c'est que le projet phénoménologique, c'est fondamentalement orienté sur une théorie de la perception, hein, du sujet qui perçoit. Et à cet égard, on se demande bien comment il pourrait y avoir quelque chose qui ne serait pas de l'ordre finalement de la perte de la réalité, c'est-à-dire qu'il perçoit, mais il n'y a pas de corrélat objectif à ce qui est perçu, etc. Bon. La phénoménologie, en tout cas, dans sa version du cogito husserlien, semble conserver de Descartes l'idée qu'il y a une relation intrinsèque entre le cogito et les cogitata, entre le je pense et ce qui est pensé, hein, et que, d'une certaine manière, on ne voit pas très bien comment la phénoménologie pourrait l'aider à sortir, justement, d'une certaine représentation du sens commun sur lequel une hallucination, un délire, ben, c'est entendre des choses quand il y a rien, des voix, etc., ou sentir des choses dans le corps alors qu'il n'y a aucun phénomène objectif qui y correspond, etc. C'est pour ça qu'en fait, le type de phénoménologie auquel il se réfère, c'est une phénoménologie qui est beaucoup plus marquée par Heidegger, et par Merleau-Ponty aussi, mais une phénoménologie qui est un peu, en tout cas, déplacée par rapport à ça, qui est une phénoménologie de la donation du monde, la façon dont le monde se donne, avec ses différentes strates, ses différentes couches perceptives, affectives, motrices, etc., idéelles, formelles, etc., et qui, d'une certaine manière, lui permet de penser moins qu'un sujet au sens de la cogitation, du cogito husserlien, une manière d'être au monde, une manière d'être au monde qui n'exclut pas du tout la possibilité que ces mondes aient des configurations particulières et que, par exemple, on puisse accorder au schizophrène qu'il a un monde, hein, un petit peu comme dans cette tradition de psychiatrie phénoménologique qui est toujours tout à fait vivante. Alors, la difficulté se redouble de ceci. C'est que, dans le texte de Sass, non seulement il y a une référence extrêmement acérée à toute cette problématique du monde et de la donation du monde dans une tradition à la Merleau-Ponty et à Heidegger, mais qu'en plus, il s'appuie très fortement sur Wittgenstein, et notamment sur un des fils rouges de la pensée de Wittgenstein, qui est la critique du solipsisme, c'est-à-dire de cet argument, alors je le rappelle, très simple, selon lequel il n'y a au fond aucun moyen de me démentir dans l'idée selon laquelle, eh bien, je suis le seul être pensant au monde, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes que des corrélats de ma pensée, et que fondamentalement il n'existe rien d'autre que ma pensée de vous, des choses, etc., en ce sens, se décide la possibilité, qui va être la clé de voûte de l'interprétation de Schreber, que si j'arrêtais de penser que vous existez, il se pourrait que vous disparaissiez dans le néant. Et que, jusqu'à un certain point, cet argument du solipsisme est bien évidemment un argument que personne ne peut avoir. Mais ce qui intéresse fondamentalement Wittgenstein, comme vous savez, c'est pas que personne ne le soutienne, d'une certaine manière. C'est qu'il y en a plein de formes cachées, hein, comme la croyance selon laquelle je n'ai pas de rapport aux objets, mais aux sensations que j'ai de ces objets, hein, ce qu'on appelle les sensei data. Hein, qu'en fin de compte, je n'ai pas de rapport avec la montre, mais simplement avec la perception que j'ai d'une certaine forme, d'une certaine couleur, d'un certain... Et c'est que, véritablement, ce que je pense, c'est pas la présence de la montre, mais c'est mon rapport à mes sensations. Et que là, il y a une sorte de couche intermédiaire qui est véritablement ce à quoi je me rapporte, qui sont mes sensations, les formes, les couleurs, etc. Donc ce qu'on appelle les sensei data. Bon, c'est un exemple qui est assez répandu, qui est une manière, vous voyez, anti-réaliste, comme chez Berkeley, par exemple, de dire bah, peut-être que la matière même n'existe pas, que la matière est simplement un postulat, et qu'au fond, nous n'avons affaire qu'à, dans un phénoménisme généralisé, qu'aux apparences des choses. Il y en a plein. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement que quelqu'un soit vraiment solipsiste, n'est-ce pas ? C'est, même pour Schopenhauer, le solipsisme est un truc de fou, hein, si vous y croyez vraiment. C'est de décrire qu'il y a là quelque chose dans le langage, dans ce que nous fait le langage, qui est incompréhensible, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne se détruit pas tout seul, cette illusion. Pourquoi est-ce qu'on peut la maintenir si longtemps? Et ça se sert de la critique du solipsisme et de l'extrême complexité que donne à la posture solipsiste son analyse chez Wittgenstein pour faire le rapprochement avec ce que fait Schreber. Schreber qui maintient comme ça l'univers, entièrement l'univers, comme quelque chose qui n'existe qu'en tant que ça existe pour lui. Et avec cette espèce de chose extrêmement paradoxale, c'est qu'à un moment, Schreber se retrouve devant un monde qui n'existe que pour lui, devant un Dieu qui n'existe que pour lui, et en même temps, ce Dieu est celui qui l'assujettit le plus radicalement, le traite comme un déchet, etc. Et comment ces contradictions sont en fait non pas des contradictions folles, des contradictions qui définissent la folie comme les gens disent n'importe quoi, mais au contraire, porté par une logique extrêmement précise, extrêmement rigoureuse, que Wittgenstein décrit dans le cadre du solipsisme. Et là, ce que fait ça, c'est donner un tour particulier à sa lecture de Wittgenstein, de dire qu'au fond, le solipsisme, c'est pas simplement quelque chose qui se passerait dans le langage et qui serait une maladie intellectuelle liée au langage, le fait qu'on ne puisse pas déraciner le discours solipsiste. Que si, comme dit Descartes, n'est-ce pas, si je considère qu'au fond tout n'est qu'un rêve, que vous n'êtes et que je crois à la réalité du monde comme je crois à la réalité d'un rêve, que tout ne sont que mes représentations suspendues comme ça, on ne peut pas me sortir d'une croyance de ce genre par un argument, hein, puisque l'argument sera intégré, c'est un argument auquel je rêve que j'argumente, etc., avec vous, etc. Bon, c'est une sorte de chose tout à fait amusante qui a beaucoup fasciné. Les créateurs, les gens qui font apparaître le point sujet au XVIIe siècle dans l'univers, hein. C'est autour de ça qu'ils le font apparaître, l'idée qu'après tout il pourrait y avoir que le sujet, hein, et que ses représentations et que tout le reste, ben, on n'en a pas besoin, hein. Fondamentalement tout pourrait n'être qu'un rêve et un rêve dans le rêve, etc. Et bien ce qui est intéressant chez ça, c'est qu'il est allé jusqu'à chercher chez Wittgenstein des postures, des attitudes qui montrent bien qu'en fait, il se joue dans l'attitude solipsiste un peu plus quand même qu'un sophisme qu'il faut démonter, qu'il faut construire, etc., il se joue quelque chose qui est de l'ordre d'une posture existentielle, d'une critique d'une posture existentielle, d'une extrême difficulté que nous avons à lâcher cette posture solipsiste, alors que nous croyons ne pas y croire, d'une certaine manière, et dans l'usage du langage, dans le rapport à autrui, dans les considérations sur les intentions, sur l'action, sur le rapport à soi, sur ce que c'est que dire « je », par exemple, changer totalement de point de vue. Et par là, sortir de la métaphysique, en tout cas de cette métaphysique du sujet, qui est centrée sur la question du solipsisme. Alors, ce qui est très délicat pour nous, si vous voulez, en tout cas pour un lecteur contemporain ou un lecteur français peut-être, c'est que traditionnellement, il y aurait plutôt une sorte de conflit entre une approche phénoménologique et une approche wittgensteinienne, parce que les Français, les Français qui ont été formés par les wittgensteiniens qui m'ont formé moi, sont plus enclins à aller chercher les choses du côté de la critique du langage que du côté de l'analyse d'une posture existentielle et d'une recherche, effectivement, de ce que ça veut dire que se déprendre effectivement de la métaphysique et du sujet métaphysique. Alors, comme j'ai beaucoup parlé de Wittgenstein, je fais passer le livre de Sandra Logier, qu'elle a publié, elle m'a expliqué qu'il y avait Wittgenstein et l'agrégation dans laquelle était de service, et donc elle a dû écrire un Wittgenstein, dans lequel il y a un peu de tout, et surtout, il y a le Wittgenstein qui, nous, vous intéresse beaucoup, Sandra et moi, et Alain Renberg, et plein de gens. C'est le Wittgenstein d'un certain type de Wittgensteinien, plutôt Stanley Cavell, plutôt Cora Diamond, plutôt Travis, que, si vous voulez, Brandom ou des gens comme ça. Donc je vous le fais passer, voilà, parce que le dernier chapitre est vraiment consacré à l'extension de toutes sortes de choses à ce sujet. Donc voilà le deuxième point qui m'a beaucoup intéressé chez Sas, d'autant qu'il était là et qu'il intervenait dans la discussion des malades présentés. Le troisième point, c'est que la position de Sas est une position très anti-déficitariste. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une des choses les plus troublantes dans le rapport à la schizophrénie. Ça ne lui fait absolument... Ça ne l'impressionne et ça ne l'intimide pas du tout les descriptions déficitaires de la schizophrénie. L'histoire de l'émoussement des affects, des troubles du cours de la pensée, etc. Sans nier qu'il y a un certain nombre de choses qui, effectivement, donnent à penser que ça ressemble quand même à de la démence ou des choses de genre. La position, c'est que non, c'est parce qu'on suppose qu'il n'y a rien à comprendre parce que c'est de la schizophrénie, qu'en manquant d'imagination et d'empathie, on en vient à considérer qu'il n'y a rien à comprendre. Or, en réalité... ce qu'il fait avec l'idée de solipsisme, c'est de montrer que bien des choses que l'on croyait totalement contradictoires, aberrantes, ne pouvant être expliquées au niveau du sens que ça a, que par le recours à une cause extérieure, que ce soit le cerveau qui dysfonctionne ou l'inconscient, par exemple, même quelque chose qui marcherait au niveau du signifiant ou de je ne sais pas quoi, donc l'effet serait de rendre ce signifié fou, aberrant, etc. Mais est-il fou, est-il aberrant? Peut-être pas tant que ça. Et l'usage de la notion de solipsisme sert justement à essayer de nous rapprocher d'un point où il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher des causes au désordre de la signification, tout simplement parce que la signification n'est peut-être pas si en désordre que ça. Et c'est ça l'espèce de rupture qui est produite. Alors, cet anti-déficitarisme, bon, ceux d'entre vous qui suivent la présentation qu'on fait, vous savez que c'est vraiment un des points, chaque fois que j'examine ou je reprends une présentation de schizophrène, spécialement ceux qu'on a, n'est-ce pas, qui sont vraiment, schizophrène du 93, hein, comme on dit, c'est extrêmement abîmé. Ce qui est extrêmement important, c'est de pointer, justement, l'importance de se guérir de l'idée qu'on a affaire à un déficit. C'est-à-dire de restituer le niveau d'articulation, d'entrée dans le langage, d'usage du signe, etc., qui fait que, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est que vous ne pouvez être schizophrène que si vous fonctionnez d'une certaine manière extraordinairement bien. C'est-à-dire que pour pouvoir attraper dans tel ou tel phénomène sensoriel, telle chose qui va se relier à tel ou tel mot, à telle ou telle signification, etc., en fait, dès qu'on entre dans ce tissu-là, si on réussit à trouver sous quel angle et de quelle manière la chose est organisée, eh bien, l'apparence de délabrement, etc., ou d'incohérence si profonde par rapport à nos attentes moïques, d'une certaine manière, peut en réalité changer du tout au tout. Et on peut découvrir que quelqu'un montre une rigueur et une précision tout à fait particulière dans un mode d'appréhension des choses, un mode de rapport aux choses qui est tout à fait fascinant. Parfois, vous savez, je me rappelle d'un cas justement particulièrement en apparence détruit, un type qui ne citait que des marques, qui répondait, alors ça c'est Castorama, ça c'est Castorama, le roi Merlin, etc. Et tout était mélangé avec la F1, les courses de F1. Et en fait, j'ai mis une partie de la nuit à regardant des images de courses de F1, à m'apercevoir que le type, il décrivait en réalité exactement les marques qui étaient écrites sur les voitures. Et donc, bien loin d'être cette espèce de dispersion complètement folle où on commençait à chercher des assonances entre Conforama et je ne sais pas quoi, vous voyez, c'est-à-dire à Glamberger pour le rendre encore plus fou qu'il n'était, on s'apercevait que cet homme avait un rapport iconique au signifiant. C'est-à-dire qu'en fait, chez lui, tous les signifiants du monde, c'était une sorte de couche extrêmement organisée par objet, par une configuration comme ça, qui circulait, qui se déplaçait, et qui lui permettait de s'orienter et de répondre à des questions en utilisant ce type de choses. Sauf qu'effectivement, quand on regardait la transcription de l'entretien, on avait vraiment à avoir l'impression d'un type mais c'est complètement éclaté, quoi, complètement fondu. Et donc c'est juste en regardant les photos de McLaren Mercedes, je me rappelle, parfois c'est comme du Champollion, n'est-ce pas ? Il faut trouver le truc, n'est-ce pas, sur lequel tel ou tel signifiant s'est accroché, et en fait vous apercevez que c'est comme le cartouche. Tout peut ensuite s'organiser. Vous apercevez que vous avez en fait quelque chose qui est extrêmement cohérent, qui est un rapport au langage, ici un rapport au signifiant comme semblant, qui était extraordinaire et qui du coup était complètement barge. Je ne dis pas que les gens ne sont pas fous, mais qui était, dont on ne pouvait pas supposer qu'il pouvait fonctionner chez quelqu'un qui aurait été un dément, par exemple. Tellement le rapport à cette signifiant, là, à cette manière de présenter le symbolique dans le réel, et dans le réel dans le semblant comme réel, justement, les images publicitaires circulant partout, étaient tout à fait fascinantes. Et ça, c'est un point sur lequel, avec Sass, l'accord était total. Le quatrième élément qui m'a paru tout à fait intéressant à proposer à des lecteurs français, en traduisant ce livre, c'est qu'en fait, ce livre, pour être, comme je dis dans l'introduction, une longue note au gros livre qu'a écrit Sass, qui s'appelle Madness and Modernism, qui est un livre à la fois d'histoire de la psychiatrie, d'esthétique, etc., qui remet la folie, et notamment la folie de Schreber, dans le contexte de la modernité, et de cette modernité qui naît un peu avant la guerre de 14, qui se développe largement, et auquel émarge, par beaucoup d'aspects, aussi bien Schreber d'ailleurs que Wittgenstein un petit peu plus tardivement. Alors la façon dont cette modernité est décrite, et c'est sur ça que je voudrais m'attarder un tout petit peu pour que vous voyez un peu dans quel paysage anthropologique je situe ici les choses, c'est elle est très très proche, au fond, et il le cite dans The Paradoxes of Delusion, il cite Foucault à cet égard. C'est la façon dont Foucault parle de cette crise que ça a pu être, que le sujet puisse s'objectiver lui-même comme sujet, au moment de ce qu'on appelle l'invention des sciences humaines. Pour Sass, quelque chose dont il crédite Foucault, il trouve que c'est vraiment une très bonne idée d'avoir mis le doigt là-dessus. C'est-à-dire, comment est-ce qu'à un moment, le sujet, au lieu d'être, n'est-ce pas, ce point transcendantal absolument en dehors du monde et à partir duquel tout fait sens, s'est rencontré lui-même dans le monde, s'est rencontré sous la forme d'une possibilité d'analyser de manière objective son propre fonctionnement psychique, de créer une psychologie, d'analyser les conditions sociales qui font que si les gens pensent ce qu'ils pensent, C'est pas du tout parce qu'ils le pensent, mais c'est parce qu'ils sont déterminés à le penser de telle et telle manière, la psychanalyse entrant à cet égard tout à fait dans le champ de cette transformation du rapport des êtres humains à soi, et avec cette espèce de paradoxe tout à fait incroyable, c'est que au fond, du coup, on est acculé à un moment limite, hein, dont la formule est la dernière phrase du Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, dans lequel dire ça, hein, dire décrire le monde, hein, décrire le monde et y rencontrer le sujet, c'est ne rencontrer le sujet que comme limite du monde qui est décrit. Mais dire qu'on rencontre le sujet comme limite du monde, ce qui est la fameuse thèse de Wittgenstein dans le Tractatus Logico-Philosophicus, est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que le sujet peut dire qu'il se rencontre comme limite de son propre monde, sans être, d'une certaine manière, en dehors de la scène, hein, et nulle part, donc, puisqu'il ne peut être nulle part pour le dire, mais s'il est à l'intérieur, alors il est un objet dans le monde, et s'il est un objet dans le monde, il n'est pas les limites du monde à l'intérieur duquel tout existe. Et donc l'idée de Wittgenstein pousse aux yeux de ça son paroxysme, le paradoxe de la naissance des sciences humaines, en disant qu'il ne peut pas y avoir de sujet transcendantal, et en même temps il faut qu'il y ait un sujet transcendantal. D'où aussi, vous voyez, ce que Wittgenstein écrit très bien dans le Tractatus, c'est que si ce que ce livre dit est vrai, c'est un non-sens. C'est-à-dire que si on peut décrire le monde comme il est décrit là, alors on monte à un certain point et ensuite on enlève l'échelle derrière soi. C'est-à-dire qu'il prend des images de ce genre, Wittgenstein, pour montrer que l'opération qu'il est en train de faire, l'opération qui indique ce que c'est que le sujet, une fois que et que le sujet il n'est pas dans le monde mais il est dans les limites du monde, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on ne peut plus le dire, précisément. Quand on l'a véritablement dit, ça s'auto-détruit, ça s'annule. Et ce que l'on ne peut pas dire, il faut le taire. Et donc, le point où le sujet se réfugie, hein, et c'est ça le comble de la modernité wittgensteinienne, qui est tout à fait congruent avec l'analyse de Foucault, hein, aux yeux de Sass, c'est que plus le sujet se sait limité, plus il se comprend comme étant ceci, et moins il y a besoin de le dire, moins il y a de la place pour le dire, plus les énoncés qui vont le dire sont des énoncés qui n'ont aucun sens, qui ne sont plus informatifs du tout. Ils ne font que répéter cette formule complètement vide, hein, du « je sais que je suis limité », hein, « je sais que je suis les limites du monde », que je ne suis rien d'autre qu'aux limites du monde, mais le dire même, c'est encore trop, parce que c'est comme si ces limites du monde, je pouvais les voir de l'extérieur, en quelque sorte. Comme si je pouvais montrer les limites du monde du dehors. Or, justement, je ne peux pas, je ne le peux que de l'intérieur, et de l'intérieur, je ne les vois pas. C'est ça le... Alors, c'est plein d'images, hein, chez Wittgenstein, l'idée que, par exemple, l'œil ne se voit pas dans le champ visuel, etc., qui font que... Mais dire que l'œil ne se voit pas dans le champ visuel, ça suppose que vous dessiniez un œil, que vous montriez le champ visuel, mais qu'une fois que vous avez dessiné l'œil et montré le champ visuel, alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis l'œil dans le champ visuel, puisque vous voyez l'œil avec le champ visuel lui-même, etc., etc. Et donc toute l'idée de Wittgenstein, c'est de construire dans Tractatus Logico-Philosophicus cette auto-élimination, cette auto-évacuation de la position du sujet transcendant. D'une certaine manière, à partir du moment même qu'il ne devrait même plus pouvoir se nommer. Ce qui, vous voyez, est totalement contraire avec la position de Husserl, n'est-ce pas, hein, qui ne cesse de parler de l'ego. Mais pour Wittgenstein, justement, si l'ego transcendantal existait, on ne pourrait rien en dire. Ce serait un non-sens. Ce ne serait pas informatif. On ne pourrait pas nommer quelque chose quand on en parle. Et donc, il y a un point de silence. Alors, les différences entre Sass et Lacan sont tellement prodigieuses que je vais partir de ce dernier point pour montrer ce qu'ils partagent de fondamental. C'est que quelqu'un comme Lacan, et c'est en ce sens qu'il n'appartient pas exactement, c'est assez juste de dire ça, à la modernité, c'est quelqu'un qui s'installe tout à fait dans cette, dans ce point particulier de, du fait qu'il y a des choses, le fait de les dire, ça détruit la valeur de vérité ou le caractère objectivable de ce qu'on est en train de dire. Quand par exemple vous dites qu'un signifiant, qu'un sujet c'est ce qu'un signifiant représente pour un autre signifiant, d'où pouvez-vous dire ça? Si c'était vrai, vous ne pourriez pas le savoir. Et si vous le savez, c'est que c'est faux. Parce que d'où pouvez-vous vous installer pour vous représenter en tant que sujet le signifiant qui vous représente auprès d'un autre signifiant? Soit vous parlez, hein, et bon, voilà. Soit vous le savez, mais il n'y a pas de point d'où vous pouvez le voir. Je crois que la même chose s'applique à une formule comme il n'y a pas de rapport sexuel, par exemple. C'est-à-dire que pour qu'il n'y ait pas de rapport sexuel, d'une certaine manière, au sens que Lacan énonce, quel sujet peut énoncer cela? Un sujet qui énoncerait cela n'existerait pas, par définition. Et c'est encore plus juste, je crois, pour une des formules qui introduit les deux Borroméens chez Lacan. C'est la formule que vous trouvez dans l'étourdi. Qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend. Qu'on dise, le fait qu'on dise, donc l'énonciation, hein, par exemple, reste oublié derrière ce qui se dit, l'énoncé, dans ce qui s'entend. Si, le simple fait de pouvoir présenter ça comme quelque chose que vous mettez sur la table, là, hein, ben, veut dire qu'il y a quand même des choses qu'on dit qui ne restent pas oubliées, hein, etc. Il y a au moins ça. Il y a au moins qu'on dise, au moins la formule qui commence l'étourdi, au moins la formule qu'on dise reste oubliée derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend. Si on peut en savoir quelque chose, si ça peut émerger, si on peut avoir un rapport à une formule comme ça, ben ça veut dire qu'elle est fausse. C'est-à-dire que c'est pas tout vrai, cette espèce de formule. Et donc quelqu'un comme Lacan, et vous savez que c'est mon hostilité radicale à ce qu'on transforme ça en une forme de psychologie psychanalytique, ou de théorie, hein, c'est la constante mise en scène de cette crise du sujet. C'est que chaque énoncé lacanien, il n'est pas équivoque, juste pour que vous grattiez la tête, il n'est pas équivoque, par exemple, comme les formules de Joyce sont équivoques pour faire travailler les gens pendant 100 ans. Même si, à mon avis, c'est Lacan sur lequel on travaillera 100 ans, et pas Joyce. Parce que Joyce, on commence à peu près à avoir réduit les choses. Mais Lacan, c'est fait pour être irréductible à certains effets. Mais ce n'est pas tellement cet équivoque-là. C'est que l'exercice qui est constamment proposé, c'est de transformer ce paradoxe de la modernité. Le sujet ne peut pas se connaître, sans se connaître objectivement, sans s'abolir comme sujet, sans se rendre lui-même inutile dans son acte de connaissance, sans produire un non-sens en se connaissant en tant que sujet. Soit il s'objective, dans ce cas-là, il se positivise, il n'y a plus de sujet. Soit il reste transcendantal, mais alors dans ce cas-là, il est transcendantal au sens d'une série de non-sens qui n'ont pas de valeur informative. Eh bien, Lacan transforme, au lieu d'arriver au point de silence de la septième formule du Tractatus, il s'en sert comme une sorte de levier, même de pied de biche, hein, si j'ose dire, pour ouvrir un nouvel espace discursif. C'est la promesse d'une autre manière de parler, hein, qui serait radicalement prise sur ce qui est intimement le point de crise du sujet moderne. C'est-à-dire le moment où, justement, la psychanalyse n'est pas une science humaine, tout en étant une science humaine à l'intérieur de... vous connaissez ces choses que Lacan... Alors, oui, parce que je vais être un peu... Alors, d'où peut-on dire, par exemple, qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend, ou d'où peut-on dire un sujet, c'est ce qu'un signifiant représente pour un autre signifiant. Vous savez qu'il y a une réponse qu'on trouve, que les gens du coup souprennent souvent, enfin, dans nos milieux pour une réponse, c'est l'idée d'une topologie. Bon. Une sorte de topologie du dedans, dehors, dans laquelle il y a une expertise sur laquelle je ne vais pas m'étendre. Simplement, je ne vais pas m'étendre dessus parce que ce n'est absolument pas une réponse. C'est une autre manière de formuler le problème. C'est une autre manière, d'ailleurs, la topologie, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a extrêmement peu de gonzesses qui manipulent des surfaces et des ficelles multicolores. C'est vraiment un truc de mec. C'est vraiment le fait, là, comme ça, d'aller découper des machins, etc. C'est vraiment assez simple. Et c'est une modalité, dans bien des cas, d'imaginarisation supplémentaire de ce rapport extrêmement particulier, très très difficile à maintenir dans son dire, que Lacan promeut constamment dans ce paradoxe dans le premier Wittgenstein aboutit au silence, et dont il se sert comme d'une modalité particulière pour faire éclater en quelque sorte la crise du sujet. Si bien que, vous voyez, au lieu de ces insupportables petits exercices pseudo-mathématiques, n'est-ce pas, auxquels on se livre, là, comme ça, en ayant l'impression de comprendre quelque chose, alors qu'on ne fait que déplacer le problème sur le plan de l'imaginaire, j'attends effectivement, moi, qu'on produise de la musique, de la peinture, des mises en scène de théâtre, etc., que l'on pourrait effectivement voir, hein, si ça tient le coup, hein, plutôt que d'aller montrer aux enfants innocents comment on fait des bandes d'Emébius et pourquoi on les retourne dans tous les sens, etc., qui produit au fond un très très dangereux, je dirais, une très dangereuse pétrification de la crise très subtile qui est introduite par le mode d'énonciation lacanien. Enfin, c'est la seule concession que Lacan a fait à se faire comprendre. Alors évidemment, les gens se sont jetés dessus, n'est-ce pas ? Parce que effectivement, là, on a l'impression qu'on voit. Je reviendrai tout à l'heure sur cette question du voir. Alors, c'est aussi, j'insiste sur ce point, la raison pour laquelle Lacan, c'est vraiment pas du Freud. Hein, c'est vraiment quelqu'un. Freud est tout à fait en deçà dans son élan naturaliste et positiviste de ce que l'on vient de décrire et de ce qui serait justement la crise du positivisme introduite par le Tractatus Logico-Philosophicus. Il n'y a finalement que le Tractatus Logico-Philosophicus qui montre chez Wittgenstein le fait qu'on ne peut pas se débarrasser comme ça de la question du sujet sans montrer pourquoi il disparaît nécessairement de l'objectivation de ce que c'est qu'un énoncé, une proposition, un état du monde, etc. Et donc, si Lacan est outre Freud, c'est ce qui leur sort quand vous lisez ce que j'appellerais le freudo-lacanisme contemporain. Ce qu'il y a de fascinant, c'est que ça fait parler Freud autrement. Et que c'est même, je dirais, extrêmement difficile pour nous de réussir à lire Freud sans passer par Lacan, puisque nous n'appartenons pas à la constellation anthropologique de gens qui croyaient qu'effectivement le sujet, on allait pouvoir le mettre là, devant nous, hein, on allait pouvoir se dépiauter comme quelque chose. Nous savons que chaque fois que nous faisons ça, nous produisons une division bizarre qui fait que, en réalité, hop, le sujet se retrouve déplacé un peu plus loin dans son opération d'objectivation, que ce n'est pas le sujet qui se rencontre lui-même, qui ne se rencontre que pas plus que l'œil ne peut se voir dans le champ visuel, en quelque sorte. C'est nous qui avons cette connaissance-là. Pour quelqu'un comme Freud, regardez même ses schémas de l'appareil psychique, il n'y a aucun problème pour lui. L'œil, il est dans le champ visuel. Ce n'est pas du tout un truc qui lui pose, quand il parle de la conscience comme d'un organe de perception, vous avez tout de suite toute une... Et il le dit avec quelque chose qui nous paraît très naïf, mais ce n'est pas du tout naïf. C'est le monde dans lequel il vit qui peut penser comme ça. Le nôtre, il ne peut pas. Et donc, c'est pas tellement que Lacan ait raison sur Freud, il fabrique un Freud qui est celui qui lui va, hein, mais c'est que ce qui est incontestable, c'est que Lacan fait parler Freud de façon moderne. C'est qu'il fait vraiment parler Freud d'une manière qui nous parle. En particulier, vous savez, il en fait un acteur de la crise du sujet, alors que dans son monde, n'est-ce pas, alors que le mieux qu'on puisse dire, c'est qu'il a été un promoteur lointain de certaines remises en cause, etc. Mais alors, il se vivait certainement pas comme ça. Il n'y a rien de plus. Il pense tout à fait que la psychologie, la psychanalyse fait partie de l'image scientifique du monde. C'est pas du tout pour lui des problèmes comme ça qui se posent. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la position de Lacan à l'égard de Freud, et notamment autour de ce point de crise du sujet qui mobilise Wittgenstein, c'est que chaque individu est un sujet en crise. Et que c'est ça qui a fait longtemps, et qui à mon avis ne fait plus, c'est pour ça que je fais ce séminaire, qui a fait longtemps une sorte de, je dirais, de point d'accord, de c'est pas une vulgate, hein, c'est quelque chose qui est une sorte d'évidence partagée par tout le monde de ce que c'est que la psychanalyse, comme quelque chose qui viendrait là insister sur le point de crise particulier du sujet. Or, ce que Foucault pointe, et ce que, aux yeux de Sass, et ce que fait le Foucault auquel il ajoute le moment Wittgensteinien, parce que Foucault ne parle pas de Wittgenstein, Foucault voit extrêmement mal le caractère radical de ce qui se passe à la fin de la première partie de l'œuvre de Wittgenstein, dans cette fameuse formule, n'est-ce pas, ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire. Bon. C'est une idée d'autodestruction, le livre, le Tractatus, s'autodétruit à la fin, c'est vraiment... Il affirme que si tout ce qu'il a dit est vrai, alors ça n'est pas vrai, ça n'a aucun sens. C'est un non-sens. Ça ne peut pas même être énoncé, si c'est vrai. C'est quand même un travail très particulier chez Wittgenstein. Ce que fait Foucault, c'est que ça nous invite à penser que ça bouge historiquement. C'est-à-dire que ce qui est cette crise de la modernité, qu'elle s'est intéressée dans Madness and Modernism, elle évolue, elle change. Alors, il y a un des points sur lequel elle change et qui me paraît tout à fait frappant, c'est une chose dont j'ai parlé déjà plusieurs fois ici et dont on parlait avec Alain Ehrenberg et Louis Sass quand il est venu à l'association il y a quelque temps, et Sandra aussi, c'est que ce qui change, c'est bien évidemment les formes de l'individualisme. C'est qu'on a... il est tout à fait douteux aujourd'hui que les formes dominantes de l'individualisme soient des formes subjectives dans lesquelles la question de l'émancipation subjective, de la conquête de l'autonomie, soit des organisateurs extrêmement profonds. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je pense que un des points qui explique beaucoup de transformations de la souffrance psychique et des difficultés que les gens rencontrent, même dans les psychoses, c'est que l'autonomie n'est plus une aspiration. L'autonomie est une condition. C'est que vous n'avez pas à courir après votre autonomie, vous êtes autonomisé dès le départ. C'est pas une conquête, c'est une condition normative. Et que ça change totalement le rapport des individus à eux-mêmes. Et si ça les change totalement, ça veut donc dire qu'il n'est pas inintéressant d'aller interroger des traditions de réflexion psychopathologique dans lesquelles ces éléments sont présents. Alors, c'est pour ça que j'avais énuméré quatre points, et je vais remonter du quatrième au troisième, du deuxième au premier, à l'envers, en essayant de vous faire sentir l'intérêt de ce texte de Sass, et de le vous faire sentir comme si vous, au lieu de croire comme ça que vous pouvez le lire parce que c'est en français, c'est émis dans votre langue, etc., de mesurer que ça participe d'une culture prodigieusement étrangère, d'une anthropologie, d'une perception incroyablement différente de ce que sont les gens, de la manière dont sont organisés leur moi, leur rapport à leur corps, etc. Puisque, comme j'aime à dire, n'est-ce pas, les Américains, c'est des papous. N'est-ce pas, c'est absolument hétérogène, le type de construction de soi auquel on a affaire, le type de tradition politique, morale, éthique, de représentation des choses. C'est extrêmement difficile à déchiffrer, et comme c'est très difficile à déchiffrer et très organisé, bien sûr, c'est aussi diabolisé. Il y a un anti-américanisme, comme vous savez, qui est une des manières par lesquelles nous prenons conscience de l'irréductibilité de nos positions sur ce que c'est que le moi, la société, l'œuvre d'art, le bon goût, etc., etc., qui est extrêmement important dans notre... Et comme vous savez, aux États-Unis, une détestation de ce qui est français qui ne le cède absolument rien à notre haine des Américains. C'est vraiment... depuis 1789, comme dit Hannah Arendt, la guerre pour définir ce que c'est que l'universel est extrêmement forte entre Français et Américains. Depuis 1776, oui. Alors, le point sur le caractère anti-déficitariste de l'approche de Sass. Alors, c'est pour ça qu'il parle de l'esprit schizophrénique, de schizophrenic mind, que j'ai donc traduit par l'esprit schizophrénique. Alors, bien sûr, c'est très doucement fait, comme on fait toujours dans un livre américain. On part de ce que tout le monde connaît plus ou moins, on prend le lecteur par la main très simplement, ça s'accélère évidemment après rapidement, mais au début, ce qui l'intéresse, c'est effectivement le symbole sacré, comme disait Jaspers, le symbole sacré de la psychiatrie, qu'est la schizophrénie, c'est-à-dire la folie par excellence, le truc le plus délirant, décousu, inimaginable, etc., qui en fait est carrément une icône culturelle. Le schizophrène comme un objet culturel. Mais alors, un peu plus loin, quand on avance un peu plus loin là-dessus, c'est que si vous parlez d'esprit schizophrénique, c'est pris dans une entreprise absolument typiquement éthique et morale américaine, anglo-saxonne, enfin je pense qu'on peut ici le généraliser un petit peu, protestante en tout cas, de déstigmatisation. Et c'est pourquoi dans mon introduction, j'insiste sur des éléments qui peuvent paraître très étranges pour un lecteur français. C'est l'insistance sur la question du self. Alors, on en a justement parlé avec Louis et Alain Ehrenberg quand ils sont venus à l'association, et également avec Sandra Laugier. Une des grandes difficultés qu'ont les Français pour comprendre ce que c'est que le self, c'est que le self, ça n'est justement pas l'ego. C'est-à-dire que c'est effectivement la personnalité, mais c'est justement pas le moi. Le self, c'est une institution. C'est une institution, sociale, le self. Donc ça n'a strictement rien à voir avec l'égoïsme des moi atomisés, n'est-ce pas, qui, dans les représentations caricaturales, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle dans la presse de gauche aujourd'hui, n'est-ce pas, l'épouvantail néolibéral, n'est-ce pas, le néolibéralisme, c'est l'atomisation de la société qui nous vient des États-Unis, c'est une institution, c'est-à-dire c'est un lien social que le self. C'est quelque chose qui est un organisateur qui se repère à toutes sortes de mots. Alors certains sont souvent dans notre perception très biaisée, dans la guerre idéologique qu'on mène contre ce qui se passe avec la notion de self. On vous indique, n'est-ce pas, le self-esteem ou la figure du self-made man, n'est-ce pas, c'est-à-dire comme des figures américaines de l'auto-construction de soi, plus ou moins prométhéennes, dans lequel nous croyons qu'un self-made man, c'est un solitaire, dans lequel nous pensons que la self-esteem, c'est une version du narcissisme retourné sur lui-même, etc. Mais en réalité, lorsque vous prenez le fonctionnement anthropologique de ces termes, l'idée de self-esteem et même celle du self-made man renvoie à ce texte fondateur de la pensée américaine qui est le sermon d'Emerson sur la self-reliance, c'est-à-dire sur la confiance en soi, un sermon de 1840, je crois, sur la self-reliance, à la problématique du self-accomplishment, du self-control et du self-government. Toutes notions qui sont constamment valables, aussi bien pour l'individu que pour la communauté, et qui sont applicables à égalité et constamment à l'individu et à la communauté. Le self-government, c'est l'idée des États-Unis comme gouvernement fédéral, voilà, par exemple, c'est des choses tout à fait typiques. Et donc, avec Louis et Alain, n'est-ce pas, on était totalement sidérés, par exemple, de voir qu'en France, personne, ou quasiment personne, n'arrive, et les américanistes qui essaient de l'expliquer n'arrivent pas à le faire entendre, personne n'arrive à comprendre pourquoi il y a une bande de gens qui nous paraissent complètement fous, n'est-ce pas, les gens du Tea Party, qui sont fous de rage à l'idée qu'on puisse imposer une assurance santé universelle. Toutes choses qui nous paraissent à la fois de l'efficacité, du bon sens, n'est-ce pas, de la défense de la communauté. Tout simplement parce que c'est totalement contraire à l'idée socialisante que chacun compte sur soi, d'une part, et qu'une des conséquences de ça, c'est que les États, le self-government, la communauté du self-government, ne doit pas recevoir de cet État fédéral tentaculaire, abstrait et lointain, la moindre obligation de faire quoi que ce soit. Donc les deux grands arguments du Tea Party sur lequel on ne va pas quand même m'obliger à payer pour les maladies des autres, d'une part, et d'autre part, pourquoi l'État du Wyoming serait obligé d'imposer à ses citoyens de consommer et d'acheter des biens qu'ils ne veulent pas acheter, et pourquoi l'État du Wyoming devrait obéir à un diktat de Washington, par exemple, ou de l'Idaho, ou du Montana, etc. Pourquoi ma communauté auto-gouvernée, à l'intérieur duquel s'exprime mon self-control, mon self-accomplishment, ma self-esteem, devrait obéir à quelque chose d'aussi abstrait qu'une entité fédérale. Et en réalité, c'est absolument structurant, c'est pas du tout des fous. C'est l'expression même, ils en sont terriblement conscients, de, même sur le plan théologique, ça se traduit, hein, ce qu'on appelle l'exceptionnalisme aux États-Unis, qu'il y a là quelque chose de tout à fait particulier au mode de constitution de la société américaine et son mode de fonctionnement. Vu de notre point de vue, on a l'impression que la société américaine, c'est un arrangement plus ou moins relatif d'individus armés qui passent des contrats les uns avec les autres pour s'arranger sur des points mineurs. C'est-à-dire que nous sommes incapables de voir pourquoi le self est socialisant dans la perspective américaine. Alors, je vais prendre la défense du DSM contre un certain nombre de ces critiques à cet égard. C'est que si vous détachez des entreprises comme celle du DSM de ce contexte anthropologique, vous n'y comprenez plus rien. Parce que le drame du DSM pour les psychiatres américains, et notamment quand ils ont parlé de la schizophrénie, c'est le suivant. C'est qu'on importe une nosographie kreplinienne fabriquée par des gens pour qui les démons précoces, c'est des tarés. Hein, c'est des tarés, c'est des gens, il suffit de les voir, n'est-ce pas, ils ont comme ça, etc. Grand-mère alcoolique, maman prostituée, oncle socialiste, enfin l'horreur. Hein. Et tous ces gens se mettent comme ça à arriver dans les hôpitaux, ils y restent, ils se démentialisent manifestement. C'est ontologiquement que l'organisme, le sujet, la pensée est schizophrénique ou atteint de démence précoce. C'est héréditaire, il y a une fatalité, etc. Et on importe cette nosographie totalement fataliste, héréditariste et ontologique, n'est-ce pas, dans un univers dans lequel il n'y a surtout pas de schizophrène, mais des personnes avec une schizophrénie. C'est un des grands points du DSM qu'on oublie toujours, c'est de remplacer l'idée qu'il y a des schizophrènes par l'idée qu'il y a des personnes avec une schizophrénie. C'est-à-dire que la schizophrénie est radicalement extérieure à ce qui fait le noyau du self. Et que c'est précisément pour ça qu'on soigne les gens qui ont un engagement de la communauté, des fonds publics, une médicalisation organisée, etc. Parce que c'est un devoir civique s'occuper des personnes qui ont une schizophrénie ou des personnes qui ont une maniaco-dépressive, etc. Autrement dit, on importe cette nosographie kreplinienne sur une conception à la James de la personnalité comme production de soi, référé à des idéaux sociaux du self, et évidemment, avec toute une tradition derrière. Hein, lorsque Meyer, dans les années 20, va introduire la psychanalyse, le comportementalisme, etc., ce sont des gens qui pensent qu'on peut transformer. Ce sont les États-Unis, c'est le lieu de la transformation du self. C'est le lieu où le self peut enfin s'épanouir, peut s'accomplir. Et donc, où, au fond, en modifiant les structures sociales, en agissant sur les structures sociales, sur les structures de soins, on peut guérir les maladies mentales. La psychanalyse a été importée aux États-Unis par des gens qui, dans la tradition de Meyer, ont fait servir la psychanalyse comme instrument d'une transformation sociale du soi, du soi-malade. Même lorsque le DSM-5, qui est en cours de fabrication, commence, le premier draft était disponible il y a quelque temps sur Internet, là encore, c'est la personnalité qui est en jeu. Alors, ce n'est pas tellement que vous avez d'un côté le self et puis de l'autre toute une liste de symptômes qui peuvent atteindre le self et qui sont chacun des cibles pour guérir ce self de toutes ces choses qui le gênent. C'est cette fois que la personnalité, d'une manière dimensionnelle, est plus ou moins atteinte, plus ou moins malade. Et qu'au lieu, n'est-ce pas, d'isoler d'un côté le self et puis de l'autre des catégories, un classement catégoriel des symptômes, vous avez des variations de cette personnalité. Le DSM-5, c'est le triomphe de Theodor Millon, c'est le triomphe des artisans de l'axe 2 du DSM, de l'axe des personnalités, qui aimeraient beaucoup qu'au fond, finalement, ce soit la personnalité, le fonctionnement global du self, qui serve à indexer les différents degrés de sévérité et des différentes pathologies. Et donc, lorsque Sass a publié son livre en 1994, on sent dans les critiques que j'ai pu lire, etc., une gêne, c'est-à-dire qu'à la fois d'un côté, bien sûr, il est totalement américain, c'est-à-dire qu'il pense le soi schizophrénique comme le self, hein, c'est-à-dire que c'est une modalité d'être au monde, d'être schizophrénique. Hein. C'est une modalité entièrement légitime et éventuellement profondément intelligible de l'être au monde. Mais en même temps, en 1994, c'est quand même un texte étrange parce qu'il dit que c'est le self qui est malade. Ce n'est pas le self qui a une maladie ou qui a un trouble, mais c'est le self qui est malade. Quand vous êtes dans le vocabulaire du trouble, vous les avez. Et comme vous les avez, on peut vous les enlever. Très important de penser en termes de trouble dans cette logique-là. Tandis que quand vous pensez en termes de maladie, vous êtes malade. Avoir une maladie mentale, c'est être un malade mental. C'est quelque chose qui vous atteint ontologiquement. Et le lien ici a été évidemment fait, il s'en défend, hein. il essaie d'expliquer ce que c'est que sa conception du self dans des articles que je cite d'ailleurs en note de bas de page. Mais il y a un deuxième aspect qui doit vous être sensible et qui ne l'était pas au départ quand j'ai commencé à traduire ce livre. C'est que on est vraiment dans un univers où il faut se décentrer complètement par rapport au nôtre pour comprendre comment il pense la maladie mentale. Et surtout, il faut se décentrer par rapport à notre compréhension de ce que faisaient les phénoménologues allemands, parce que c'est vraiment une réécriture de ce que la phénoménologie allemande faisait. C'est que comme ce self-là est un concept social, comme ce dont il s'agit, c'est finalement d'une déstigmatisation, d'une réhabilitation du self. Ce self, il est étroitement lié à la notion de self-help. C'est un concept social, et le self-help, c'est quelque chose que vous faites les uns les autres, vous vous mettez à plusieurs pour vous aider vous-même. Voilà. Ce qui va de pair avec une conception du self en ce sens-là, c'est de se mettre à plusieurs pour s'aider soi-même. Et ça, c'est extrêmement important parce que tout ce qui se développe dans cette perspective du self-help, c'est ce qui rend dispensable la psychanalyse. Radicalement dispensable. Ça nous montre bien à contrario que la psychanalyse, c'est le contraire du self-help. C'est quelque chose où c'est pas entre dans un groupe de pairs, P-A-I-R-S, qu'on va constituer les choses. C'est pas du tout comme ça dans notre représentation. Il y a une asymétrie radicale dans la conception du sujet dans la psychanalyse, dans la cure psychanalytique, qui est aux antipodes, je crois, mais anthropologiquement, c'est le bord opposé de celui qui se constitue autour de la notion de self-help. Et une des raisons pour lesquelles, vous savez que Bion m'intéresse de façon absolument dévorante, c'est que chez Bion, c'est pas très bien dans le groupe bionien, comment ça fonctionne, hein. C'est-à-dire on ne sait pas très bien si ça tient du self-help dans le groupe, n'est-ce pas, dans une sorte de tradition héritée du protestantisme, hein, de l'église protestante, ou bien s'il n'y a pas une subversion de ça en produisant une asymétrie incroyable avec la position, n'est-ce pas, du psychiatre qui est là, puis qui dit rien, quoi, la position de Bion provoquant les turbulences à l'intérieur du groupe. En tout cas, je développe ce point. Ce qu'il y a dans le livre, ce qu'il y a dans le livre de Sass, c'est une analyse extrêmement épistémique de ce que c'est qu'être schizophrène en première personne. Et pour ça, il se sert, non pas de Lacan, bien sûr, mais il se sert des réflexions que Wittgenstein lui-même, dans la deuxième partie de son œuvre, a fait sur Wittgenstein, première version, celle qui s'arrête au Tractatus Logico-Philosophicus. C'est-à-dire comment le deuxième Wittgenstein réfléchit et investit d'un nouveau type de discours, d'une manière totalement originale de faire de la philosophie ou de l'anti-philosophie, en critiquant ce qu'il avait écrit dans le Tractatus. C'est-à-dire comment Wittgenstein dit justement il faut sortir de cette impasse sur la première personne auquel conduit le Tractatus Logico-Philosophicus, qui reste, aux yeux de Wittgenstein lui-même, pris dans ce qu'il dénonce. Il est pris dans une posture schopenhauerienne, solipsiste, où en dernière analyse, le moi s'auto-évacue lui-même, se réduit lui-même à du non-sens, mais il a fallu qu'il produise tout un discours qui a du sens pour qu'au dernier moment, ce sens s'annule. Et que, comme dit justement Schreber, que le non-sens s'annule. C'est vraiment un des points de ressemblance les plus frappants entre Schreber et Wittgenstein. Donc là, il y a ce côté épistémique. Mais il ne faut pas négliger qu'il y a un deuxième côté qui a été fortement investi par ce dont je vous parlais au début de l'année, qui est ce qu'on appelle le recovery, c'est-à-dire l'idée qu'à partir du moment où vous êtes capable de créditer le point de vue du schizophrène en première personne, en tant que sujet, d'une légitimité, d'une intelligibilité, etc., quand bien même il serait limité, bien dans un groupe de pairs, il est possible de céder les uns les autres et de céder soi-même en cédant de l'expérience que les autres ont d'eux-mêmes. Alors, le recovery, à cet égard, il y a dont un des papes dont je parlais la dernière fois est Larry Davidson. Larry Davidson, c'est justement un psychologue plutôt, phénoménologue. C'est vraiment quelqu'un qui s'est intéressé exactement comme ça, c'est-à-dire il cite d'ailleurs Sass, à ce que c'est que l'expérience de la folie en première personne, et à la réhabilitation qu'il y a une expérience de la folie en première personne, avec une critique extrêmement forte de tout le naturalisme cognitif, puisque tout le monde s'imagine qu'aux États-Unis, avec les psychiatres cognitivistes, c'est aberration comme ça. Non, il faut savoir que ce n'est pas du tout le cas. C'est même, franchement, totalement minoritaire. C'est pas ce qu'on publie dans l'American Journal of Psychiatry qu'il faut lire. Ce qu'il faut lire, c'est ce qu'on publie dans Psychiatric Services, dans les travaux sur Psychiatric Rehabilitation, etc. C'est-à-dire, comment font les gens quand ils ont affaire à des malades mentaux? Bien évidemment, ils ne font pas des hypothèses sur leur cerveau. Ce sont des choses qui sont extrêmement particulières, réservées à des centres universitaires, etc. Mais quand on a affaire à des malades mentaux, on est bien obligé de construire des choses très différentes. Et le recovery, la prise en charge, qui va jusqu'au self-government, c'est-à-dire que c'est les schizophrènes eux-mêmes qui décident s'ils ont besoin ou non d'appeler un médecin pour venir au secours de telle ou telle personne du groupe, n'est-ce pas ? Qui décide du type de soins dont ils ont besoin, qui décide de la façon dont ils répartissent l'argent entre eux, etc. etc. Ce type d'organisation, qui est évidemment imprégné de l'éthique protestante, transforme la schizophrénie d'une maladie mentale en quelque chose comme un simple handicap. Et donc, non pas disease, mais disability. Disability étant très très difficile à traduire en français, parce que c'est pas exactement le handicap au sens où vous êtes sur un fauteuil roulant, ce sont toutes les limitations du pouvoir personnel qui sont arrangées dans ce registre-là. Et pour prendre le titre d'un article très joli de Larry Davidson, n'est-ce pas, ce qui est revendiqué, c'est simply to be let in, simplement qu'on me laisse en être. Être de la communauté des hommes, n'est-ce pas, avec la déstigmatisation et l'auto-construction collective, le self-government de soi-même comme le self-government des autres, servent à reconfigurer totalement les rapports entre les individus. Ce qui veut dire que c'est l'objet du recovery, c'est the person, comme dit très bien Larry Davidson. Ce qu'il s'agit de retrouver dans ce qu'on a perdu et de rétablir, c'est la personne, par quelque chose qui est à la fois un croisement d'interprétation et de participation des individus les uns avec les autres. À cette tâche du recovery. C'est bien que je vous introduis à ça parce que c'est un peu pour vous pointer, d'abord parce que je suis effaré de ce qu'on raconte sur la psychiatrie américaine et sur la domination du pouvoir pharmaceutique et autres conneries, n'est-ce pas ? C'est une industrie de dire des choses comme ça, alors qu'il est très très facile de se procurer tous les journaux qui vous montrent et toutes les pratiques et de faire venir en France, sauf quand on les fait venir en France, personne ne vient les écouter, les gens qui font tout à fait autre chose. Hein. C'est un véritable effort qui nous est demandé, parce que c'est un effort, d'une part, de décentrement anthropologique. C'est d'arrêter, et surtout dans le milieu lacanien, d'une certaine manière, c'est plus facile avec les gens de la SPP ou de l'APF parce qu'ils voient plus de psychiatres et de psychanalystes britanniques et qu'ils ont bien, ils sont finis par s'apercevoir qu'ils n'étaient pas des imbéciles ou des fous. Hein. Mais les lacaniens ont souvent cette impression que vous avez l'ego psychology, le moi américain, l'épouvantable texte de Miller en 1966 à la fin des écrits de Lacan racontant que l'ennemi, c'est le moi américain, etc. Qui était une perception très très forte que vous avez trouvée chez Adorno aussi dans les Minima Moralia quand il est émigré aux États-Unis et qu'il rencontre cette société pour laquelle il n'a aucun instrument de compréhension de ce qui est en train de se passer. Donc il faut se décentrer, il faut réussir à ne pas projeter sur ce dont je suis en train de parler là l'idée d'un égoïsme, que l'individualisme américain n'est absolument pas un égoïsme, hein. Ce sont des gens extraordinairement solidaires. Je pense que c'est fou qu'on puisse ne pas... Les communautés sont extraordinairement solidaires. Je ne sais pas si vous ne voyez pas... Comment on peut ne pas voir ça à la télé, qu'on n'a pas du tout affaire à une bande de cinglés avec des flingues qui passent des contrats les uns avec les autres. Enfin, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment... C'est totalement différent. Et aussi, un effort d'abstraction. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de ne pas projeter... S'il s'agit d'une certaine manière de ne pas projeter... notre moi, hein, ou notre critique du moi telle qu'elle existe dans la tradition philosophique, marxiste, nietzschéenne, freudienne déjà, que Lacan manipule dans les années 50, il s'agit aussi en même temps de repérer exactement ce qui est opératoire dans ce type de pratique anthropologique. Et c'est ça qui me paraît tout à fait fascinant quand on lit le texte de Sass, c'est que c'est vraiment écrit d'une manière absolument impénétrable. Enfin, on a l'impression que c'est incroyable qu'on puisse parler de Schreber de cette manière-là. Et pourtant, on y reconnaît quelque chose de juste. Il attrape des choses qui sont extrêmement correctes. Ça fonctionne, hein, d'une manière tout à fait opératoire. Sauf qu'on ne dispose pas du moyen, des abstractions nécessaires pour finalement se déprendre de ce que nous imaginons quand nous parlons du moi, du grand autre, de l'objet, du corps, etc., de tous ces trucs dans lesquels nous sommes pris dans notre propre culture et nous n'arrivons pas à le faire fonctionner pour repérer comment ça marche chez les autres, en particulier chez ces gens-là, chez Sass et des psychiatres américains qui ont affaire à toutes sortes de choses et qui sentent des subtilités qui ne sont pas du tout à mépriser. Alors, toujours dans cette veine de la déstigmatisation, il y a un point qui également est très difficile. J'en parlais avec Jean-Marc Berthomé il y a pas plus tard que deux jours, puisqu'il a commencé à lire le bouquin. Ce qui lui paraît extrêmement difficile de comprendre et qui fait obstacle à sa lecture du livre, c'est que pour nous, c'est évident que Schreber, c'est de la paranoïa, quoi. C'est paranoïa. Et que la seule entrée que la psychanalyse ait jamais trouvée dans la psychose, c'est par le biais de la paranoïa. Bon. Enfin, du moins, la psychanalyse lacanienne. Je vous ai rappelé qu'avec Bion, c'est quand même déjà beaucoup plus compliqué. Au point que, vous savez, chez Lacan, quand on parle de schizophrénie, pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que le schizophrène, chez lui, les représentations de mots deviennent, sont équivalentes à les représentations de choses et les représentations de mots s'équivalent et réécrit sous la forme, le symbolique est devenu le réel. Au-delà de ça, ça va pas bien loin, quoi, hein, dans l'analyse. En revanche, alors là, pour ce qui est de la paranoïa, pour ce qui est de l'articulation du réel, du symbolique, de l'imaginaire, etc., là, on est extrêmement armé. En revanche, ce qui intéresse Schreber, c'est pas du tout la dimension paranoïaque, c'est la dimension schizophrénique. Alors c'est d'une part lié au fait que la schizophrénie, dans la psychopathologie à laquelle il se réfère pour être compris hein, de son public anglophone, c'est cette espèce de grand machin qui a tout dévoré, quoi. Hein, c'est, même la mélancolie, voilà, c'est une schizophrénie avec des gens tristes dedans. Hein, bon, il y a une sorte d'accomplissement, si vous voulez, de la grande absorption de tous les troubles délirants à l'intérieur de la schizophrénie. Mais plus subtilement, parce que c'est quand même, les gens ne sont pas aveugles sur le plan clinique, ce qui l'intéresse, c'est les symptômes négatifs. Ça n'est justement pas la production délirante, c'est tout ce qui est stigmatisé chez le schizophrène comme étant l'émoussement des affects, le trouble du cours de la pensée, la bizarrerie, enfin tout ce que vous voulez mettre dans les symptômes de Schneider de premier rang, etc., qui sont à la fois inexplicables psychologiquement, qui sont affectivement très difficiles à supporter, parce que ça ne donne pas à penser. Hein, le symptôme positif, alors là, oui, on a très envie de savoir s'il n'y a pas ce signifié, peut pas être expliqué de telle ou telle manière. Enfin, quand vous avez juste quelqu'un complètement apraxique, là, comme ça, ou une catatonie qui commence à s'installer. Et puis aussi, parce que comme c'est herméneutiquement opaque, ça glisse très très rapidement vers la biologisation. C'est-à-dire que les gens veulent bien vous dire, oui, les symptômes positifs, on veut bien que ce soit psychologique. Hein. Mais enfin, la catatonie ou l'apraxie à ce point, ou l'émoussement des affects, ça c'est du biologique, c'est du dur, et il va falloir trouver du médicament. Bien qu'on n'en ait pas d'ailleurs. On a des médicaments pour tasser les gens, mais on n'en a pas vraiment pour les remonter. Et puis alors, c'est très important du point de vue de Sas, parce que dans la perspective qui est la sienne, bah, il vit environné en 1994, c'est les travaux de Christopher Fries, il y a tout un de Yamsley, etc. C'est le début de la neuropsychologie cognitive de la schizophrénie comme standard scientifique de l'interprétation des choses. Or, vous savez que cette neuropsychologie cognitive de la schizophrénie, elle a recyclé un vieux thème de la psychologie française, de la théorie française de la démence précoce, consistait à dire que les symptômes positifs sont des compensations pour les symptômes négatifs. Comme les gens sont extrêmement apraxiques, etc., alors ils surcompensent avec des délires. Et donc, à l'époque, il y avait une espèce de théorie de ce genre qui rendait au fond la phénoménologie élémentaire de la schizophrénie extrêmement difficile à circonscrire. Alors, en discutant avec lui pendant que je faisais la traduction, on est très embêté parce que, par exemple, il n'y a pas de mot pour paranoïa en anglais. Il y a paranoid schizophrénie, on peut dire paranoïa, mais ça fait bizarre quand vous lisez paranoïa dans un texte. L'idée de pure paranoïa, par exemple, Louis me disait, moi je pense que oui, je pense que ça doit exister, me dit-il, pure paranoïa. Je dis, mais enfin, attends, tu rigoles, les interprétatifs, les mégalomanes. Oui, mais ça pose un problème parce que la paranoïa est une personnalité dans le DSM, mais si c'est une personnalité dans le DSM, c'est parce que c'est perçu anthropologiquement comme quelque chose de ce genre-là. Vous voyez ? C'est-à-dire, c'est pas vraiment en tant que tel quelque chose qui va être interprété comme une aliénation ou un effacement du sujet. C'est une modalité de la personnalité. Alors, je ne sais pas très bien comment on peut vous le faire sentir autrement qu'en vous parlant du contexte social dans lequel les choses se passent. Les États-Unis, c'est quand même un endroit où on arrive comme ça à trouver des gus avec la barbe jusqu'ici, des flingues plein la caravane, qui vivent au fond des bois avec leur famille, persécutés par les radars et les les satellites de la CIA qui les espionnent, en attendant la fin du monde, etc., et qui vivent peinards comme ça depuis 25 ans dans le Montana, etc., et puis qu'un jour viennent tuer deux ou trois personnes, ou bien sont arrêtés, etc. Ou bien comme le gars là, Lafner, là, qui vient de désinguer la représentante, une des représentantes de l'Arizona au Congrès, qui est venue avec un pistolet, une recharge, etc., qui a tué un gamin, un juge fédéral, les trois assistants de cette femme, qui l'a tiré une balle dans la tête, d'ailleurs, apparemment elle n'est pas morte. Et un truc qui est vachement intéressant à ce sujet, c'est que je lisais les articles sur lui, les avocats pensent qu'ils ne vont pas du tout plaider la folie. C'est sidérant, parce qu'il est totalement fou. C'est vraiment un immense paranoïaque. On a trouvé ces textes. Il n'y a aucun doute. Tu dis, vous mettez ce gars devant un tribunal français, n'est-ce pas, le magistrat dit, enfermez-le, n'est-ce pas. Il n'y a même pas de discussion possible, tellement il est paranoïaque. Mais on ne peut pas faire ça aux États-Unis. Parce que là où la personne autonome et libre est un idéal normatif, eh ben, il ne manque rien, grand paranoïaque, pour être un sujet à une peine, à un procès. Il ne manque rien. Et si devant le tribunal, il veut dire qu'il a voulu détruire quelqu'un qui a voté en faveur de la loi d'Obama pour la santé, que ça détruit au cœur l'esprit américain, que ça c'est quelque chose d'absolument inadmissible, et que les gens qui ont voté avec Obama, et qu'Obama lui-même, il faut les abattre, ça fait partie de son droit de parole. Ça ne peut pas être... Donc le contexte à l'intérieur duquel on appréhende quelque chose comme paranoïaque, vous voyez, est étroitement lié au statut de la personnalité. Parce que chez nous, la personnalité, on peut dire comme Lacan, en faisant rigoler tout le monde, que la personnalité, c'est la même chose que la paranoïa, et tout le monde éclate de rire, n'est-ce pas, ah oui, c'est vrai, c'est parce que nous, en fait, on n'y tient pas du tout, on est tellement imbu de notre position critique à l'égard du moi, qu'on accepte des phrases pareilles. Essayez de faire passer ça auprès d'un Américain, même francophone. Même quelqu'un qui... La phrase de Lacan, n'est-ce pas, l'erreur que j'ai commise, c'est de traiter de la personnalité paranoïaque chez Aimé. Alors, ce que je n'avais pas compris, c'est que la paranoïa et la personnalité, c'est la même chose, dit-il, quand il fait son autocritique du cas Aimé, 30 ans après. Quand vous montrez une phrase comme ça à un Américain qui comprend très bien le français, qui a lu les deux choses, etc., il a énormément de mal à ajuster les choses, parce qu'on n'est pas du tout dans le même espace... du moi, etc. Et il faut surtout pas dire pour ça qu'ils ont tort et qu'on a raison, qu'ils sont de mauvais cliniciens et que nous on tient le bon bout. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment nos positions sont articulées les unes aux autres, et ce qu'il faut produire, c'est des abstractions suffisamment abstraites pour que justement on n'aille pas lui dire, ah oui, mais s'ils avaient compris ce que c'était que la forclusion, ils diraient pas ces conneries. Parce que justement, ça veut dire que ce que nous mettons dans la forclusion, le type de rapport réel que nous avons les uns avec les autres, comment sont tissés nos imaginaires sociaux, comment sont construits nos concepts, ça ne marche pas tant qu'on n'a pas atteint un certain degré d'abstraction qui nous permet de les retrouver. Et cette abstraction, elle est d'un tout autre niveau, permettez-moi de le dire, que de manipuler des nœuds, des surfaces ou des symboles mathématiques. C'est un véritable effort de pensée, c'est pas un jeu sur des représentations qui se substituent les unes aux autres pour finalement toujours venir dire la même chose, quoi. Donc là, il y a un vrai effort de pensée à produire quand on est confronté à ça. Alors, c'est avec Joseph Parnas, ça s'écrit PRNAS, qu'il a écrit tous ses travaux sur la schizophrénie. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Parnas a essayé justement tout ce que vous avez dans les paradoxes du délire, d'en faire un véritable instrument clinique qui permette d'interroger l'expérience de soi qu'ont les schizophrènes. Et donc ils ont publié même carrément un interrogatoire absolument invraisemblable que seuls les schizophrènes à bac plus 18, à mon avis, peuvent remplir jusqu'au bout, parce que c'est vraiment d'une sophistication. On interroge les gens sur des modalités particulières de leur perception de l'humeur et de l'espace. Ils ont quand même réussi à trouver au Danemark des schizophrènes beaucoup plus compétents que les nôtres. Je me dis à Villevrard, les gens vous boufferaient le crayon si vous leur donnez un truc comme ça. Mais au Danemark, ils ont réussi à avoir des cohortes entières qui ont répondu à ce truc-là, et il en est sorti des choses stupéfiantes, vraiment des analyses d'une très très grande finesse, où vous êtes, au fond, vous créditez la personne qui vous parle d'un rapport à elle-même et d'une capacité à énoncer des choses vraies d'une manière absolument pas déficitaire sur son expérience d'elle-même, qui sont stupéfiantes. Et donc, ça accrédite de manière circulaire l'idée que ce n'est pas déficitaire. C'est qu'une telle manière de pouvoir, quand vous rendez toute sa dignité au discours qu'un schizophrène peut tenir sur sa propre condition, par définition, vous le faites basculer de « il est fou, piquez-le », n'est-ce pas, à quelque chose comme « c'est un handicap, c'est une modalité, c'est une disability hein, », et que ça ne suffit pas qu'il y ait quelque chose de l'ordre du traitement, de « cure hein, », c'est qu'il faut aussi qu'il y ait quelque chose de l'ordre du soin, hein, « care », comme on dit en anglais, qui vienne dans cette série, hein, fermer la série. Self, recovery, disability, care. Et cet espace anthropologique, n'est-ce pas, est totalement organisé dans sur un fond d'institution particulière qui nous est, je trouve, difficilement pénétrable quand on s'imagine avoir, tenir le bon bout avec quelque chose comme la critique de l'ego psychologie à partir des postulats lacaniens. Et donc ça déplace le centre de gravité d'analyse. Et ça déplace, ce sera le dernier mouvement de mon travail ce soir, la question de la perte de la réalité. Pourquoi ça la déplace, la question de la perte de la réalité? Parce qu'elle est prise au sérieux, hein, dans sa dimension apparemment de perte, mais elle n'est pas prise au sérieux de la même manière chez ça, c'est chez Lacan. Chez Lacan, comme vous savez, c'est un des piliers du texte de 58 sur Schreber, où il pourfend ce qu'il perçoit comme une impasse psychologisante de la perception des choses chez les psychiatres et les psychanalystes anglophones et francophones d'ailleurs. Il dit que le problème, ce n'est pas la perte de la réalité, mais le problème est de ce qui s'y substitue. Ça, c'est, le truc fondamental. Oui, il y a un trou, mais ce qui fait qu'il y a délire, ce qui fait qu'il y a psychose, c'est ce qui se substitue, ce qui se trame dans le trou qui est là, cette perte de la réalité. Et que donc ce qu'il faut comprendre, c'est la genèse du tableau délirant. Du côté de la compréhension de la perte de la réalité chez Sass, c'est une critique de l'idée même qui est une perte de la réalité. Il n'y a pas de perte de la réalité, c'est nous qui, limités de notre imagination théorique et dans nos facultés existentielles d'empathie à l'égard des schizophrènes, gobons l'idée que c'est inintelligible, hein, que nous acceptons sans réfléchir la thèse de Jaspers, le schizophrène, jusqu'à un certain point vous comprenez, puis à un moment vous ne comprenez plus, et là c'est très probablement parce que c'est un processus organique et démentiel qui est en jeu. Alors, l'intérêt de la démarche de Sass, c'est justement de ne pas avoir mis trop l'accent sur la productivité délirante, c'est-à-dire sur ce qui se substitue au trou, dans le déchaînement de la signification, le remaniement du signifiant dont parle Lacan, remaniement extrêmement profond qui va faire pulluler des voix, des oiseaux, des jeunes filles, des mouches, tout ce que vous voulez dans un univers avec des dieux empruntés à la tradition gnostique, des références à Wagner, tout ce qui se met à pulluler, hein, toute la culture allemande là, qui se met tout d'un coup à se reconfigurer dans le trou, hein, de la perte de la réalité. C'est pas du tout ça. Ce qui va intéresser Sass, c'est non pas cette variation du signifiant, mais c'est la manière dont une nouvelle modalité du rapport au monde, hein, qui n'est pas déficitaire, c'est où il n'y a pas de trou à proprement parler, il n'y a pas de perte de la réalité. Il y a la construction d'un autre rapport à la réalité, mais qui est un rapport qui a sa positivité. Et que donc ce n'est pas du tout le même abord de la question de la perte de la réalité. Alors, si vous mettez en parallèle les deux choses, pourquoi moi ça me paraît extrêmement stimulant, pourquoi j'ai eu beaucoup de plaisir à traduire ce texte, c'est parce que c'est un moyen de tester au fond la justesse de nos concepts, savoir jusqu'à quel point les concepts psychanalytiques peuvent être opératoires et saisir quelque chose sans l'imaginaire social dont ils sont imprégnés. C'est-à-dire justement en se servant de ces deux mondes de la psychopathologie à leur meilleur, telle que réussie elle présentait Sass, n'est-ce pas, et telle que réussie elle présentait Lacan en se confrontant au texte de Schreber. Ce qui fait que du coup, on ne se laisse pas fasciner par les mots, hein, petit autre, grand I, petit A, etc. On ne se laisse pas fasciner par les mots, on teste la consistance des relations entre ces éléments de la psychanalyse, ces éléments qui nous permettent de penser nos pensées, hein, on teste la consistance de nos relations pour voir si ça tient effectivement la route, jusqu'à quel point nous ne sommes pas obligés de parler lacanien, n'est-ce pas, ou de parler phénoménologie, lorsque nous, et de nous détacher finalement de ce qui imprègne de semblant social l'usage de ces termes-là, et très profondément, hein, dans la racine même de ce qu'il y a chez Lacan ou chez Sass, hein, la critique du moi ou le self-jamesien, par exemple, pour nous confronter de manière plus abstraite et plus signifiante, justement, à ce dont ce qui est en jeu. Et aussi, parce qu'une des conséquences de ça, c'est que tout ne se traduit pas. C'est-à-dire que vous pouvez aller certainement très très loin dans la saisie de la façon dont l'autre voit la psychose de Schreber, mais enfin, il y a un moment où non seulement de culture à culture, mais probablement de psychanalyse à psychanalyse ou de psychanalyse à non-psychanalyse, il y a des choses qui ne vont pas se traduire, des choses qui vont faire buter, et ce serait effectivement très intéressant de voir ce avec quoi on ne peut radicalement pas être d'accord quand on aborde par des bords opposés les choses. Il est 10h30, je peux encore parler jusqu'à demain matin, mais est-ce que c'était difficile ou embarrassé, ou est-ce que je continue? Est-ce que vous voulez vous arrêter là, ou bien est-ce que j'entre un petit peu plus dans la question de l'hallucination et la construction des deux points de vue de Sass et Lacan? Vous êtes courageux. Alors, le point de départ des paradoxes du délire, la première page, ça consiste à mettre en cause l'analyse classique du DSM, qui est celle du sens commun. Hein. Ben, les délirants, hein, c'est des gens, ils croient qu'il y a des trucs, et puis en fait, ça n'existe pas. Voilà. Objectivement, il n'y a personne qui leur a rien dit, mais ils entendent des voix, par exemple. Alors, il faut faire bien attention. Le DSM, c'est pas fait pour dire la vérité ontologique sur ce que c'est que l'hallucination. Le DSM, c'est fait pour définir un vocabulaire que les gens reconnaissent et sur lequel ils peuvent se mettre d'accord. Et donc, d'une certaine manière, le DSM assume totalement la banalité, le caractère de sens commun, de définition de ce que c'est qu'une hallucination. C'est pour ça que ça bouge très très peu du DSM-3 ou DSM-4. On a regardé avec lui au moment où on a retraduit. La deuxième chose qu'il faut bien pointer, c'est que ce n'est pas une invention des Américains, cette histoire. Quand vous ouvrez le traité des hallucinations de Henriet, la notion de perception sans objet est parfaitement assumée pour définir ce que c'est que l'hallucination. Cette notion de perception sans objet, elle est tout à fait congruente avec le paysage intellectuel qui a été celui de Freud. En fait, l'idée de perception sans objet, elle remonte à Taine, elle remonte à de l'intelligence, et c'est en lisant de l'intelligence que Freud a dit cette fameuse formule, dans la lettre à Fliss, je ne me rappelle plus de quelle date, d'une idée d'une métapsychologie qui serait en fait, qui remplacerait la philosophie. Bon. Alors, ce qui est amusant chez Taine, c'est que justement, il définit l'hallucination comme une perception sans objet, et parce que ce qui intéresse Taine, c'est de dire qu'en fait, la perception, c'est une hallucination qui a réussi. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, personne n'accepterait, n'est-ce pas? On veut bien que l'hallucination soit une perception sans objet, mais dire que la perception est une hallucination qui a réussi, soit ça paraît un jeu de mots, soit ça paraît un truc absurde. Mais en réalité, c'était très très important pour Taine, puisque justement, c'était l'idée, finalement, que la connaissance se produit par essai et erreur sur un mode empirique, n'est-ce pas? Et que la question du succès et de l'échec était véritablement une notion tout à fait essentielle. Alors ça ne se retrouve pas chez Henriet, qui part d'une perception sans objet, et qui complète, dans le traité des hallucinations, effectivement, c'est un complément qu'on oublie souvent, parce que c'est difficile, n'est-ce pas, la perception sans objet, mais bon, C'est difficile de percevoir sans qu'il y ait d'objet. Donc là, il complète la formule en disant c'est une perception sans objet à percevoir. Ce qui veut dire, il y aurait bien eu quelque chose à percevoir, là, hein, il y a, et, mais ce qui est perçu, ce n'est pas ce qui est à percevoir. Il ne voit pas sa grand-mère, il voit le corps de sa grand-mère et au-dessus, un monstre qui avance vers lui. Par exemple, une célèbre, des grandes hallucinations visuelles de ce genre. Ce apercevoir fait que, par exemple, les cognitivistes qui travaillent sur la psychose sont tout à fait d'accord avec ce type de choses. Parce que l'interprétation contemporaine du apercevoir, c'est que dans un plan d'action, quand vous déployez un certain nombre d'intentions et que vous contrôlez le développement de vos intentions pour en sorte que vous êtes l'agent de ce que vous faites et que vous aimez être le sujet de ce que vous faites parce que les intentions que vous avez des intentions à l'égard de ces intentions, vous pilotez ce que vous faites, c'est ce qu'on appelle le monitoring dans les théories cognitivistes de la psychose. Dans ce plan d'action, eh bien, à un certain moment, il y a des choses à percevoir. Et si vous ne les percevez pas, ça perturbe radicalement l'action. Et qu'en dernière analyse, les actions sont des actions adaptées pour des raisons évolutionnaires, hein, qui vous adaptent à l'environnement, qui vous adaptent aux partenaires, et notamment aux partenaires sexuels, etc. Et que dans ce circuit de l'action, il y a des choses à percevoir. C'est bien que la perception a quasiment disparu, pas quasiment disparu, mais elle subsiste. Mais enfin, elle est dans une position subordonnée dans les théories cognitivistes contemporaines par rapport à la gestion de l'action. On ne perçoit que ce qui est nécessaire, que ce qui est à percevoir, dans l'accomplissement d'un plan d'action intentionnel. Et la psychose se déclenche quand il y a une perturbation de cette régulation, ce monitoring intentionnel de l'action. Alors, c'est cette idée d'une perception sans objet, c'est celle dont se fout Lacan à longueur du traitement préliminaire, n'est-ce pas ? Il dit, voilà, on a retrouvé le sujet, et alors on a été chercher dans l'introduction au narcissisme une espèce de baudruche, hein, je crois que c'est la formule qu'il emploie, cesse de baudruche à gonfler la réalité. Et donc, voilà, la perception sans objet, comme il y a un trou, ben par projection, le moi ou le narcissisme du délirant se retrouve du côté de l'objet, etc. Bon, donc il s'en moque en disant, on ne peut pas définir l'hallucination, le délire, etc., par des perceptions sans objet. Ça déploie tout un espace très problématique qui est presque, je dirais, fermé par la conception lacanienne de l'hallucination, qui est le problème de l'hallucination en général. C'est-à-dire de l'hallucination où l'hallucination auditive, ou plus exactement acoustico-verbale, à la fois auditive et des paroles, est l'hallucination paradigmatique. Qui est absolument et exclusivement quelque chose de psychotique. Et j'aurais plutôt envie de dire, le trait pathognomonique, c'est l'hallucination acoustico-verbale péjorative. C'est-à-dire que vous entendez une voix qui vous dit « salope, vache, putain », n'est-ce pas ? C'est pas simplement que vous entendez une voix, c'est que cette voix vous insulte et vous êtes visé au cœur. Ça, c'est, je dirais, la pointe extrême dans la théorie de l'hallucination, c'est ce autour de quoi tout tourne. Mais il y a tout un espace de l'hallucination, et notamment de l'hallucination visuelle, qui est extrêmement riche dans le champ de la psychopathologie. Bon. Il y a tout le problème des illusions, hein, des fausses perceptions, hein, qui sont néanmoins tout à fait persuasives. Et puis il y a, dans l'espace de la neurologie des intoxications, hein, ce qu'on appelle les hallucinoses. Les hallucinoses, c'est par exemple l'hallucinose de Wernicke, dont parle beaucoup Clérambault, ce sont ces visions de formes géométriques ou bien des hallucinations lilliputiennes. Hein, en général, c'est les petits bonshommes qui courent en haut des meubles, sur les plinthes, sur les bords. Ce sont des hallucinations de bord des objets très souvent dans les hallucinations lilliputiennes, qui ont une particularité très importante sur le plan clinique. C'est que le sujet se marre quand il les voit. Il voit qu'on est des petits bonshommes. Les gens, ils écrivent, il y a des textes, hein, il y a des gens qui ont décrit des hallucinoses de Wernicke, des hallucinoses toxiques, des hallucinoses lilliputiennes. C'est-à-dire qu'ils les voient, ils les sentent, ils les perçoivent, hein, mais ça ne produit pas ces effets de croyance extrêmement particuliers qu'induit la voix, hein, qui vous dit salope, vache, putain, etc. Comment est-ce qu'on traite ce problème général de l'hallucination et de la perte de la réalité. Alors, chez Sas, la connexion est faite, et c'est le paradoxe dont il parle, avec la question de la croyance. Avec cette chose tout à fait étonnante, dit Sas, c'est que il croit des choses complètement folles, hein, c'est schizophrène, mais il y a quand même un problème quand on emploie le mot « croire » pour ça, c'est que le critère de la croyance, ce serait d'agir conformément à cette croyance. Or, tous les cliniciens de la schizophrénie, et ils citent évidemment surabondance de cliniciens, ont tous fait cette observation, c'est que la même personne qui est absolument convaincue d'être empoisonnée, etc., qui se refuse, etc., 2 heures après, va manger à la cantine avec les autres, ou des choses. On n'a pas du tout l'impression que les gens agissent conformément à leurs croyances. Alors ça, c'est très important, parce que c'est là où vous voyez le fond jamesien, le fond pragmatiste de la compréhension des choses. C'est que c'est une notion typiquement pragmatiste que de considérer que le critère de la croyance, c'est l'action. Alors, elle est pragmatiste, mais elle a, dans la tradition philosophique européenne, un précédent très célèbre, c'est Kant, hein, dans la méthodologie de la critique de la raison pure, où Kant dit quel est le critère de la croyance, c'est le pari. Hein, vous croyez à telle chose, combien vous pariez ? Alors, selon combien vous pariez, n'est-ce pas, si vous pariez tout ce que vous voulez, hein, c'est que vous êtes certain. Si vous pariez que des sommes un peu inférieures, c'est que vous croyez, etc. Si vous pariez pas du tout, c'est qu'en fait, vous avez bien une idée, mais que vous êtes extrêmement dubitatif. Que le pari, c'est la pierre de touche de la croyance. Mais c'est, dans le pragmatisme, le pari, c'est une dimension qu'il y a dans tout acte. À partir du moment où nous ne connaissons pas les lois de la nature, nous ne savons pas, nous vivons dans un univers de probabilité, nous ne savons pas exactement ce qui va se passer, tout acte est un pari. Et donc tout acte est un test de la croyance. Et dans cet espace des choses, la maladie la plus profonde qui puisse atteindre l'être humain, c'est la maladie de la croyance elle-même. C'est-à-dire lorsque la capacité à croire, the will to believe, la volonté de croire, comme dit James, est blessée, est lésée. Et c'est pour ça, justement, que la religion est un excellent test. La religion saine, c'est-à-dire le protestantisme américain de la côte est des États-Unis, hein, qui est la religion avec un R majuscule, hein, des gens qui ont les pieds sur terre, c'est un test de la santé mentale. C'est là, quand vous êtes un protestant de Boston en 1890, c'est la norme de ce que doit être l'être humain. Parce qu'effectivement, là, la foi, l'adhésion, voilà, la croyance à quelque chose d'aussi particulier que la religion, chez James, indique la santé de votre capacité à croire en général. Et tout le reste, le mysticisme, le catholicisme, etc., c'est ces formes dégénérées de croyance, c'est des degrés inférieurs, n'est-ce pas ? Vous allez vers le sud, il y a de plus en plus de femmes. Ça se dégrade progressivement en s'éloignant du noyau protestant originaire. Alors, l'autre dimension très importante, c'est que dès que vous avez introduit la notion de croyance, les croyances ne vont jamais seules. Vous ne pouvez pas croire quelque chose et puis en rester là. Croire, c'est croire énormément de choses, c'est croire en même temps, sur un mode très particulier, tout ce que vous êtes bien obligé d'inférer pour croire ce que vous croyez. Et donc la nature de la croyance, c'est d'aller avec un tout de croyance. Ce qui fait qu'une des très grandes difficultés qu'ont toujours rencontrées les théoriciens qui s'inspirent de ce genre d'idées, c'est de savoir si on délire parce qu'on a une hallucination ou si on hallucine parce qu'on a un délire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est premier ? Est-ce que c'est l'hallucination ou le délire ? Dès que vous êtes dans une perspective de système de croyance et d'avoir une croyance délirante, alors une croyance délirante, elle finit par s'étendre de plus en plus. Comme je disais, n'est-ce pas, quelqu'un qui vous dit « mais moi je suis pas un homme, je suis une femme », quand il vous répond « il est 11h moins 20 », vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire. Parce que tout ce tenant, on ne sait pas exactement ce qu'il veut dire quand il dit une chose pareille. Ce quoi il croit. Alors, chez l'alternative pour considérer les choses, ce n'est pas de prendre la réponse à l'hallucination dans la direction de la croyance testée par l'action, c'est de la prendre dans sa connexion avec le langage. Je suis allé écouter au muséum, il y a quelques jours, Vincent Barras, qui fait des conférences sur les hallucinations. Vincent Barras, c'est un professeur d'histoire de la médecine à Genève, mais c'est aussi un des grands poètes sonores d'aujourd'hui. C'est moi qui fais des performances tout à fait spectaculaires et très, très impressionnantes. Il y a des DVD, des CD de lui. Il est aussi poète, comme ça, quand il s'occupe pas de l'histoire de la médecine. Et donc, il s'intéresse énormément à ces manifestations esthétiques, et notamment à celles qui tournent autour de la voix. Il faisait une réflexion sur Henriet, et il faisait une réflexion que je n'avais jamais percuté, mais c'est vrai, c'est un truc très frappant. Le début du traité des hallucinations, qui est consacré aux hallucinations visuelles, est consacré par Henriet à dire qu'il ne faut jamais illustrer avec la moindre image un traité sur les hallucinations visuelles. Henriet explique que c'est complètement perdre ce qui est en jeu dans une hallucination visuelle que d'essayer d'en donner une image. Parce que ce qu'il faut suivre, c'est par le biais du langage, ce qui en passe. C'est-à-dire que l'hallucination n'est captée que lorsqu'elle est dans son nature même, quand on regarde comment elle se fait, comment elle se raconte, comment elle se communique, comment elle se décrit. Je vais faire remarquer d'ailleurs qu'il y a un truc qui est très particulier, c'est qu'en revanche, les gens qui parlent des hallucinations auditives, ça ne leur fait aucun problème de citer les voix. Alors, si vous avez un peu l'expérience des hallucinations auditives, je ne suis pas du tout sûr que les gens qui ont des hallucinations auditives, on puisse leur demander à chaque fois de mettre la phrase que dit la voix. C'est pas exactement comme ça. C'est qu'il y a... Ils peuvent dire ce qu'ils ont senti que ça voulait dire ou que ça signifiait. Mais quant à la formule qu'on pourrait écrire, c'est un peu particulier. C'est pour ça que si je peux faire venir Yann de Robert, j'ai toujours pas écrit d'ailleurs, et les entendeurs, un entendeur de voix comme ça, j'aimerais beaucoup l'interroger sur justement cette technique qui consiste à dialoguer avec la voix en écrivant ce qu'on demande à la voix et en écrivant en dessous ce que la voix répond. C'est-à-dire que là, il me semble qu'il y a un nouage littéral de la construction d'un dialogue et d'un dialogue où chacun est entre guillemets à sa place, qui me paraît tout à fait spécial et un procédé dont on pourrait commencer à comprendre dans nos catégories à nous en quoi effectivement c'est pas fou de faire quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, une des observations que fait Henriet. Qui parle beaucoup aux logiciens, c'est que quand vous entrez dans ce type de description-là, les adjectifs se multiplient. C'est-à-dire qu'il y a une succession extraordinaire d'adjectifs et extrêmement peu de noms, extrêmement peu de substantifs dans ces descriptions des hallucinations. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça fait apparaître qu'il y a un problème de coinçage du référent dans et que le coinçage du référent, c'est un problème intrinsèquement langagier. Quand vous dites ce sont des irisations bleutées avec une forme plutôt ronde, mais qui... Oui, progressivement, vous apercevez que les substantifs sont très très vagues et servent juste d'accroche pour qu'on mette toutes sortes de propriétés, adjectifs, des épithètes, n'est-ce pas, qui n'en finissent plus, et de relatives, et de compléments, etc. C'est que l'ancrage... De l'image, de la chose et du nom apparaît comme ça. Et seul le langage fait apparaître cette espèce de petit jeu. Et bien évidemment, dès qu'on entre dans cet espace-là, ce que fait apparaître très facilement Henriet, mais qui a toute une postérité dans l'histoire de la clinique des hallucinations, c'est qu'on est dans le vocabulaire, de la fabulation, du fantastique. Et que, mais en rester juste au visuel, aux hallucinations visuelles, et que tout d'un coup on se demande dans quelle mesure c'est effectivement pas le langage qui est en train de façonner ce qui paraît être une image. Ce ne sont pas les contraintes de la fabulation, les contraintes de l'organisation syntaxique et sémantique d'un univers fantastique qui ne viennent pas finalement spécifier et caractériser une sorte de vécu sensoriel sous-défini sans cette intervention du langage. Et donc le problème est celui du référent, c'est celui sur lequel je vais partir pour essayer de confronter Sas et Lacan. C'est qu'évidemment, chez Lacan, il n'y a aucun doute que le référent, c'est les voix. Quasiment que des voix. Le problème des voix, des filles, etc. Chez Schreber, le référent, le Schreber de Sas, il est visuel. Autrement dit, chez Lacan, le point d'abordage, le bord par lequel il s'intéresse à la psychose, c'est les voix, mais non seulement les voix, mais les voix comme modèle pour penser ce qui se substitue à la réalité perdue. Et dont ce qui se substitue à la réalité perdue, justement, ce qui est très important, c'est que c'est une création. Et c'est une création, vous pouvez regarder la réalité perdue, vous pouvez la décrire de toutes les façons que vous voulez, la réalité perdue. Elle ne vous dira jamais par quoi un psychotique va la remplacer. Une vraie clinique, c'est une clinique qui vous dit par quoi le psychiatrique va remplacer la réalité perdue. Que le point n'est pas de définir la psychose par la réalité perdue, c'est vraiment de donner la règle de production de ce qui se substitue, de ce qui vient figurer dans le trou, la règle d'engendrement et de remaniement du signifiant, là où quelque chose s'est déchiré dans l'espace du passé. Et avec comme conséquence que du coup, la signification l'emporte sur la perception. Les phénomènes de signification vont l'emporter sur les phénomènes de perception, qui ne sont pas niés. Hein. Les lacaniens, les psychiatres lacaniens, ça sait bien qu'il y a un problème perceptif. Mais au fond, il est toujours abordé par le côté de la signification. De manière symétrique et inverse, quelqu'un comme ça, qui s'intéresse à l'halluciner en général, ben comme il s'intéresse à l'halluciner en général en privilégiant au fond une dimension assez visuelle, le point de vue, le centre de vision, le point de vue à partir duquel il y a un effet d'horizon, de monde, qui se reconfigure tout autour. Vous voyez, c'est plutôt, on est dans des métaphores de la vue, de l'horizon, de l'entour, etc. Ce que va faire Sas, c'est de raffiner le plus possible sur ce qu'on peut avoir comme vision. Et notamment en introduisant un concept wittgensteinien extrêmement important qui est celui de voir comme. Où il ne s'agit pas simplement de voir au sens de la perception, mais d'un voir qui est en quelque part, si vous voulez, entre la perception et le concept. Voir quelque chose comme, cette montre comme un objet extraterrestre, posé là par la CIA pour scruter mes pensées, n'est-ce pas ? C'est voir, c'est pas exactement le percevoir, c'est le voir comme ça. Mais en même temps, si je le vois comme ça, son aspect, vous voyez, son aspect va commencer à devenir non seulement inquiétant, mais le fait que l'aiguille bouge à cette vitesse, vous voyez, le fait que qu'elle soit posée dans cette position-là, qu'elle pointe vers telle ou telle personne, tout d'un coup, ça va commencer à altérer ce que je perçois de la chose. Pas au point de me faire voir une autre couleur, une autre forme, une autre taille, pas à ce point-là. Mais enfin, quand même, par exemple, la vitesse avec laquelle je vais sentir que l'aiguille se déplace, si c'est un machin que la CIA a planté là pour écouter mes pensées, j'ai trouvé qu'il y a quand même une sorte de truc bizarre. On voit bien quand même que cette montre, c'est pas une montre, quoi. Hein. Donc, comme dit ça, ce n'est pas possible à penser si vous n'enrichissez pas votre notion de voir, de cette notion de voir comme. C'est-à-dire quelque chose qui est toute une grammaire du voir comme, qui est entre perception et concept. Et puis le deuxième point qu'il va introduire, qui est très absolument décisif, c'est que pour enrichir, c'est tout le travail sur ce qui se passe quand l'œil, qui est censé être en dehors du champ visuel, se présente à l'intérieur d'une logique extrêmement sophistiquée qui est celle du solipsisme, hein, s'il n'y a que moi qui me vois me voir, je vais me retrouver dans le propre champ de vision comme quelque chose qui est un effet de bord à l'intérieur de mon propre champ de vision. Et en général, un effet de bord à l'intérieur d'un truc, c'est moche. Ça fout extrêmement peur. Et ça nécessite de construire tout autour des manières de le voir comme ceci ou comme cela, qui produisent tout un effet de délire dont il essaie de reconstituer avec ses moyens logiques la rationalité de déploiement interne. Vous voyez, vous avez deux modalités extrêmement intéressantes, je crois, de penser les choses, qui ne donnent pas à préférer les angles d'approche, hein, le visuel d'un côté, l'induction signifiante de l'autre, mais qui sont quand même troublantes. Alors, la prochaine fois, je vais mettre à l'épreuve ça sur la transsexualisation de Schreber. Parce qu'il y a quand même un truc absolument fascinant, c'est que chez Lacan, la transsexualité pousse à la femme comme solution élégante que Schreber produit. C'est la matrice d'un effet de vécu, comme il dit, un vécu. Ce qui lui permet de ne pas trop dire si c'est du signifié ou du perçu, mais où en fait, il sent le Schreber, comme le décrit Lacan, il sent qu'il se féminise, c'est-à-dire que l'induction imaginaire, elle va extrêmement loin jusqu'à modifier la forme même du vécu, jusqu'à en donner un point de délire, et que c'est pour cette raison que, peut-être à tort, dans le bouquin que j'avais écrit sur le transsexualisme à propos de Schreber, ben c'est de dire que le transsexualisme, c'est vraiment à comprendre, mais Lacan l'a dit aussi, à partir de la notion de forclusion, comme un effet de pousse à la femme, de féminisation, etc. En tout cas, le transsexualisme masculin, hein, féminin, c'est une autre paire de manches. Bon. Et qu'il y a là une question très, très complexe de ce qui se passe en la psychose chez un homme, hein, et de la destruction, hein, de la destruction du sexe. Hein. Il y a une dimension de hors-sexe qui semble se créer en 58, au moment où il parle de transsexualisation, Lacan. Ce qui est extrêmement troublant chez ça, c'est que ça, c'est dit le même texte, vérifié, hein, c'est pas... en plus, comme il dit l'allemand, il cite les trucs, et il dit, mais alors, pas du tout, hein, c'est que... Non, Schreber se voit comme une femme. Se voit comme une femme, et par ailleurs, pas du tout... continue à s'habiller en homme, etc. Le reste du temps. Quand il s'installe dans l'air, il se voit comme une femme. Et ça, ça va jusqu'à dire qu'en fait, c'est même pas sexuel. C'est juste une conséquence dans un imaginaire sexuel de la passivité de son solipsisme radical. C'est une figure très spéciale de se rencontrer soi-même en train d'être regardé, en train de se regarder dans un miroir, un phénomène de passivation, où il se voit comme... Et il cite, il montre bien dans le texte que le texte n'est pas du tout en train de dire que Schreber se sent devenir quoi que ce soit. Il n'y a pas d'induction, il n'y a pas de vécu corporel. Hein. Il appelle le spectateur à regarder et lui demander s'il ne verrait pas, non pas des seins, mais s'il ne pourrait pas voir ce qu'il voit comme des seins en train de pousser, ou des agitations sous sa peau. Et donc là, il y a vraiment un point d'ambiguïté du texte. Mais excusez-moi, ouais. Est-ce que c'est pas la question aussi entre la différence entre se voir dans le miroir et se reconnaître, même sous reconnaissance? Oui, absolument, mais tout à fait. Mais c'est ce que dit ça. Enfin, j'entrerai sur ce texte assez en détail. Mais un lacanien pourrait vous dire que justement, de toute façon, c'est dans le miroir qu'on se reconnaît, qu'on se constitue. C'est pas le rapport qu'on a à nous-mêmes, comme ça, il est complètement dépendant de la première position d'une image aliénée dans le champ de l'autre, qui est le premier rapport à la complétude de ce que l'on est. On se voit dans le miroir. Enfin, sinon, on n'aurait probablement pas, dit Lacan, une une saisie de la totalité de l'image du corps, de la gestalt du corps humain, si ce n'était pas dans ce champ virtuel qui est en symétrie par rapport au miroir. Mais ce que je veux dire par là, c'est peut-être que, enfin, c'est l'idée qu'on se reconnaît avant de se voir et où on se voit, enfin, on se voit se reconnaître, c'est pas le même mouvement, quoi. Ben oui, je pense qu'il y a une dialectique comme ça. Même moi, je suis lié. Hein. Ce que vous dites là, à aucun moment ne fait intervenir la dimension de sexuation. Or, elle est essentielle pour comprendre le trouble au miroir. Et ce sur quoi Lacan insiste, c'est que ce qui se visualise dans le miroir, c'est un effet d'une reconfiguration très spécifique des conditions de la sexuation chez un psychotique homme, hein, qui est lié à la forclusion du nom du père, et donc du coup à la, dans le schéma I, parce qu'en fait c'est la même chose, hein, le nom du père et le phallus dans le schéma I, hein, topologiquement, un passage à l'infini, un éloignement à l'infini des deux. Et puis, tandis que chez Sass, c'est justement totalement vidé de cette question, c'est rapporté à une question de l'activité et de la passivité, du se voir et de se reconnaître, comme vous diriez, qui s'exprime à travers des représentations qui se trouvaient de manière contingente dans notre culture, on aurait presque envie de dire, celle du féminin passif, par opposition au masculin actif, ou des questions de cohérence par rapport au reste de la construction délirante, mais avec pas du tout cet effet de réel. Et donc, ça m'a beaucoup troublé, parce que je crois qu'en tout cas, je ne défendrai plus, comme j'ai pu le défendre dans le travail que j'ai fait sur le transsexualisme, que Schreber fournit une matrice d'intelligibilité du transsexualisme. C'est-à-dire, je pense que là, les transsexuels, ce n'est pas des gens qui se voient comme des hommes ou des femmes. Il y a quelque chose qui va plus loin que ça. Si c'est de l'ordre du se voir comme, effectivement, là, il y a un problème. Hein, c'est pas tout à fait. Ça pose une difficulté dans la compréhension du texte. Bon, et ben. Merci.